Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour le frère William, merci pour la grâce que tu lui as accordée dans sa vie. Je prie, Père de gloire, que son témoignage que nous allons écouter maintenant, Père, que tu utilises cela pour changer de vie, pour donner des leçons à tes enfants et pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Seigneur, il est écrit que tu es venu pour libérer les captifs et tu continues à libérer. Et le frère William en est un autre témoignage. Je prie, Père de gloire, pour tous ceux qui vont nous écouter dans le monde entier. Je prie pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, pasteur, qui se retrouve dans ce cas-ci. Je prie que le Saint-Esprit te parle maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, que tu utilises, oh Dieu, le témoignage de notre frère bien-aimé pour changer les situations dans des familles, pour changer les situations, tous ceux qui étaient accoutumés à ces choses de ténèbres sans s'en rendre compte. Je prie, Père de gloire, que tu parles à leur cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je soumets au Dieu de gloire ce moment de tes mains. Je soumets les pensées et la bouche, la langue et le cœur de notre frère et moi-même sous ta direction, afin que toi, Seigneur, tu nous y conduis jusqu'à la fin de ce partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Frère William, bonjour encore. Bonjour. Parle-nous de ton histoire depuis le début. Parce qu'en réalité, ton histoire fait état des différentes marches qu'on peut avoir dans la vie et qu'on tombe dans un milieu chrétien. Parce que dans les enseignements, j'ai dit chaque fois que pour être chrétien de la bonne façon, il faut passer par la délivrance. Et tu en as expérimenté cela et ton témoignage certainement va bénir beaucoup de personnes, pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Donc, explique-nous du début jusqu'à la fin de ta situation familiale, tout ce que tu as vécu, allons-y, depuis le début. Donc, et je vais te poser des questions pour t'arrêter chaque fois s'il y a des orientations. Ok. Bon, en effet, tout a commencé en cette année 2000. Bon, il est vrai que avant l'année 2000... Là, nous sommes en 2016 maintenant. Nous sommes en 2016. Il est vrai que avant l'an 2000, des choses se passaient et que moi, je n'étais pas au courant. Donc, en cette année 2000, j'ai 10 ans. Oui, donc tu as 10 ans en 2000. Oui, j'ai 10 ans. Et à partir de l'âge de 4 ans, oui. Il y avait... En fait, la famille, puisque je suis issu d'une famille polygamique, oui. Donc ce qui fait donc que ma maman est la quatrième femme. Oui. Et quand on m'avait accouché, selon l'information que la maman m'avait donnée, et mon papa également, que j'avais fait 12 mois dans le ventre de ma mère. Oui. Mais tu ne voulais pas sortir, toi? Et que il m'avait dit qu'on m'empêchait de sortir. Oui. Et à cause de la sorcellerie. Oui. Et qu'en fréquentant les marabouts, on avait donc conduit ma mère chez un autre. C'est étant chez ce marabout-là que ma mère dormant là-bas, elle a pu m'enfanter. Et depuis ce temps-là, quand j'ai donc l'âge de 4 ans, maintenant, il y avait un certain Saint-Jean. Bon, puisqu'il est de mon village. Là-bas. Saint-Jean, c'est un être humain. Saint-Jean, c'est un être humain. Oui. Et pour lui, avait commencé comme une folie, quoi. Oui. Un beau jour, il s'est levé, il se mettait à parler seul, et puis ses parents ont marché avec lui. Et on a fait comprendre aux gens que lui, Dieu le suscitait, en fait, pour bénir son peuple. Oui. Et sans faire quelques temps, il venait au village, parce que je viens de la région de l'ouest du Cameroun. Oui. Il venait au village. Il parlait, il travaillait avec les eaux bénies, tout ça. Et ma maman... Saint-Jean dont tu parles là, il était chrétien, il était du côté chrétien ou bien du côté des rites du village, des rites des traditions. En fait, lui, il faisait les traditions. Oui. Mais il avait un côté qui faisait croire aux gens qu'il était chrétien. Oui, et là, son agissement donc, était mélangé. C'était mélangé. Oui. Et c'est ça donc qui faisait en sorte que les gens ne savaient pas qu'il y avait dans ce qu'il faisait le faux. Et après, depuis ce temps-là, j'étais gravement malade. À l'âge de 4 ans, je ne marchais pas. Oui. Ma maman m'a donc conduit chez lui, là où il travaillait. Oui. Parce que c'était comme un bureau qu'on avait construit. Et puis, il y avait une cour dans laquelle les malades venaient se réunir en grand nombre. En attendant un certain moment où ils devaient sortir et... accueillir, recevoir les malades. Et là, il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup de malades. C'était presque tout le village. Wow. Presque tout le village. Et là, nous sommes dans quel village du Cameroun? À Fombap. Fombap, c'est dans... Fombap, c'est dans Sanchu. À Sanchu. Oui. Donc, dans les environs de Tchang. Oui, dans le département de la Minoa. De la Minoa, oui. Oui. Donc, la maman m'a donc conduit là. Et puis, ce qu'il avait fait sur moi, je me rappelle bien parce qu'à cet âge-là, quand même, je parlais. Oui. Bon, il m'avait pris, en fait, il me tournait derrière lui, il me faisait passer par devant. Par derrière. Par derrière et par devant, ainsi de suite. Donc, il avait fait, je pense, environ 9 tours. Donc, après cela, il m'a posé, j'avais les vertiges, il m'a déposé, j'avais les vertiges. Je pleurais, je criais, mais les gens se moquaient, ils disaient que voilà un enfant qu'on veut soigner, on veut le guérir, mais il ne comprend pas. Bon, après ce temps-là, la famille a été bouleversée. Parce que quel était le résultat du fait qu'on t'a amené là-bas? Parce qu'il était question que tu ne marchais pas. Oui. On t'a amené là-bas pour qu'il prie, pour qu'il travaille sur toi. Il travaille sur moi pour que je marche. Oui, après c'est fait d'avoir fait ce scénario de tournure là. As-tu marché? Après cela, je n'ai pas marché. Oui. Mais je ne sais pas ce qui s'était passé bien après pour qu'un jour je puisse marcher parce que je ne me souviens pas exactement. Oui, comment ça a déclenché? Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a amené chez quelqu'un d'autre pour que tu marches. Justement. Donc, après cela, mon papa, le premier fils, l'aîné de la famille, en fait, était venu donc ici à Douala. Il est entré dans une secte. Oui. Maintenant, étant dans cette secte-là, on lui demandait d'offrir quelqu'un dans la famille. Voilà donc, lui, il s'est tourné donc, selon ce que les parents nous ont expliqué, il s'est donc tourné du côté de ma maman, puisque parmi les enfants de ma mère, nous étions à cette époque-là, nous étions au maximum 7. Oui. Il s'est donc tourné de ce côté-là. J'étais le 4e, donc parmi les enfants de ma mère. J'étais le 4e. Le 3e, donc celui qui était devant moi, il est rentré des classes un bon jour. Bon, il a pleuré le mal de tête. Oui. Ce qui fait donc qu'on l'a conduit à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il est décédé. Décédé. Donc, toute la famille a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Mais le père, il ne savait pas ce qu'il pouvait expliquer aux gens. Étant donc l'un des successeurs, étant donc notable à la chefferie, puisque la famille également donc est issue, le père en côté de chefferie, parce qu'il est l'un des fils du chef. Les avions là. Donc. C'est pas tes parents qui voyagent là comme ça. Non, c'est pas eux. Non, frère, c'est pas. Donc, ton papa, il est notable dans votre village. Dans oui, il était notable. Il était notable, oui. Mm-hmm. Oui, et il a un autre côté. Oui, il a ce côté du fait qu'il est enfant du chef, de l'ancien chef. Oui, donc, après ce day-là, et le chef l'a donc appelé. Il lui a fait comprendre que comment une situation pareille peut se produire dans ta famille. Et les gens, tu restes comme ça. Il faut te mettre à chercher. Comme auparavant, mon père ne connaissait pas lui donc les marabouts. C'est à la suite de cette information, de ce conseil du chef, qu'il a donc commencé à faire des recherches pour savoir qui était à l'origine de la mort de son fils. Oui. Donc, il nous a donc conduit au fin fond du village de Fontadjoulala, vers Tchangla. De ton village? Oui. Vers une femme. Les femmes qui font, on les appelle les manes ici, là. Oui. Oui, celle-là. Donc, ce sont, en langage clair, ce sont les femmes qui invoquent les esprits. Les esprits. Donc, les divins. Oui. Oui. Donc, il nous a donc conduit là-bas. On a fait, je pense, qu'on avait fait plus d'une semaine là-bas. Oui. Avec ton père et vous aussi, et tous les autres enfants. Tous les autres. Mais ça concernait beaucoup plus les enfants de ma mère. De ta maman, oui. Ma maman également et le père. Oui. Mais tu as dit, tu es issu d'une famille de 4 6 femmes. 6 femmes. Et les autres femmes ne s'inquiétaient pas ou bien c'est quoi? Les autres femmes, en fait, ne s'inquiétaient pas. Puisque quoi, mon père savait, arrivé en cherchant, on lui avait fait comprendre que c'est le fils. Donc c'est l'un de ses fils qui a fait cela. Et puis les autres femmes ne voulaient pas nous suivre. Oui. Elles disaient que c'était notre problème. Oui. Donc ce qui fait donc que cette femme-là, nous avons passé un bon bout de temps chez elle. Elle nous a accueillis, elle a tué la poule. Oui. Elle a tué le chat et le chien. Elle a fait ce mélange-là. Elle a préparé, je ne sais pas quoi, une certaine dévotion. Elle nous a donné. Oui. On a mangé. Donc elle a fait de ces trucs sur nous, oui. De ces incantations. Oui. Bon, après cela, il a rassuré à mon papa que tout allait bien se passer. Oui. Et il nous a dit de retourner à la maison familiale et que rien ne pourrait nous arriver. Oui. Bon, faisant donc cela, nous sommes donc... Mon père lui a dit de venir travailler à la maison. Avant que vous n'ayez rien. Oui, elle a dit que si elle vient travailler à la maison, il faudrait que mon père apprête au moins 3 draps. Oui. Donc pour enterrer les femmes qui vont mourir. Oui. Mon père a donc dit que bon, s'il s'agit qu'on dise qu'il a tué des gens, le mieux vaudrait qu'il laisse. Oui. Donc qu'elle ne vienne pas. Ce qui fait donc que nous sommes rentrés. Sans faire à peine une semaine, oui, les mêmes situations s'étaient reproduites. Oui. Donc je ne parvenais pas, tous les rêves, les cauchemars que je faisais, oui, c'est que je me dirigeais vers... Donc j'étais dans les cimetières. Donc ce que tu expérimentais, c'est que tu avais un style de rêve que tu rêvais. Oui. Avant qu'on allait chez le marabout là, oui, et que vous avez... Wow, parce que tu as d'abord dit que tu voulais d'abord aller quelque part travailler avant qu'on ait encore recherché cette autre femme-ci. Mm-hmm. Donc quels sont les styles de rêves que tu rêvais? Donc il y avait parmi ces rêves-là, le fait que je me trouvais dans les cimetières. Oui. Parfois, il y avait des gens qui sortaient là, qui me poursuivaient. Oui. Parfois, je cours, je tombe, je ne parviens pas, je rampe, je ne parviens pas à m'en sortir. Je, oui, vois que ces personnes-là veulent m'arrêter. Oui. En fait, pour finir, je ne sais pas ce qui se passe, mmh, et puis je suis saute. Oui. Donc, c'est comme ça que... Et ça, tu racontais à quelqu'un? Je racontais à mon père. Oui. Et après ces cauchemars-là, je me levais, donc une suite de maladies qui commençait directement. Oui. Donc, ça pouvait être le palud, ça pouvait être... cette rade là, parce que on pouvait bien causer maintenant. Oui. Je pas à me coucher. Le lendemain, on me réveille, on voit qu'il n'y a même plus une goutte de sang sur moi. Oui. Donc il y avait, la cible était moi et mon grand frère. Oui. Donc l'aîné parmi les enfants de ma maman. Oui. Donc nous deux qui étions beaucoup ciblés. Oui. Et selon les dits, on disait que celui, l'un de mes frères qu'on avait tué là, oui, que on l'avait tué parce qu'il portait le nom en fait de celui qui devait succéder mon père. Oui. Donc c'est pour cela qu'on l'avait tué. Mmh. Et après cela, il fallait que je suive et l'autre grand frère également. Oui. Donc après qu'on soit quitté de chez cette femme... Une semaine, tu étais à ce niveau-là, une semaine. Jour pour jour. Justement, les mêmes situations sont revenues. Oui. Donc au point où mon père était fatigué de marcher, il a encore commencé à consulter... D'autres personnes. Je ne sais pas, il avait consulté tellement de personnes. Oui. Et durant ce temps-là, il vendait les champs, il vendait tout pour qu'on essaie pour de pouvoir, trouver une solution. Oui. Donc, oui. Il vend les terrains qui sont à sa disposition, oui, pour pouvoir trouver des solutions. Mm-hmm. Pour pouvoir trouver des solutions à tes problèmes. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, après cela, il est retourné donc voir cette femme. La femme-là lui a fait comprendre que en fait, par derrière... son premier fils était venu la voir, oui, pour essayer d'acheter le travail qu'elle avait fait. Donc, si je comprends très bien, la femme qui a travaillé, qui a dit que vous partez à la maison, mm-hmm, et donc ton papa a dit, viens travailler chez nous avant que nous y entrions. Elle a dit, si elle arrive, oui, 3 personnes vont mourir. Mm-hmm. Trois femmes vont mourir. Oui. Elle raconte maintenant à ton papa, après, oui, que ton papa soit allé à beaucoup d'autres endroits pour pouvoir trouver la solution, il est encore revenu vers cette femme-là. Mm-hmm. Et là, maintenant, la femme lui donne une révélation que après votre travail, oui, ton grand frère, le premier fils à ton père, mm-hmm, de la première femme, oui, est venu vers elle pour, oui, acheter, pour corrompre. Pour corrompre. Oui. Oui. Une petite précision. Mm-hmm. Celui-là, il est dans les ténèbres. Cette femme-là qui travaille dans les ténèbres. Oui. Et il vient le voir pour corrompre. C'est un acte de ténèbres. Mm-hmm. Comment on comprend ça? Et puis, je ne sais pas vraiment. Mm. Parce qu'elle a fait comprendre à mon père que... Mm. Que celui-là lui avait proposé une somme de, ou c'est 100 combien de mille. Oui. Bon, et qu'elle n'avait pas pris cet argent. Oui. Donc, on ne sait pas si elle avait pris ou si elle n'avait pas pris. Oui, oui. Ou bien même si elle disait la vérité. Ou bien si elle disait la vérité. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ton père, comment ton père réagit? Donc, après cela, bon, mon père a seulement dit que vraiment il est dépassé, mm-hmm, qu'il ne sait plus comment est-ce qu'il va posséder maintenant. Entre temps, posséder. Ce fils-là se trouve où? Il est au village avec vous ou bien il est à l'extérieur du village? Entre temps, ce fils moment-là vivait à Douala. Donc c'est à partir de là qu'il agit. C'est à Douala, oui, qu'il agit. Et donc c'est maintenant vous entendez seulement les conséquences. Les conséquences. Et c'est depuis le village que vous comprenez que c'est lui qui en a des faits. Mm-hmm. Et ton père, en tant qu'autorité de la maison, ne l'a-t-il pas convoqué ou bien convoqué une réunion? Voilà. Mon père, en fait, a convoqué une réunion. Oui. Mais il refusait. Ce côté-là, oui, de la première femme, il refusait la réunion. Oui. Parce que ils avaient dit oui. que nous avions dit que c'est eux, ce sont eux, donc ils ont tué. Oui. Ils ont tué. Donc, ils ont entendu l'accusation, donc l'accusation n'est pas venue jusqu'à eux. Ils ont entendu, donc vous les accusez que c'est eux qui ont tué. Mm-hmm. Oui, ils n'ont pas participé à la réunion. Donc ils n'ont pas participé à la réunion. Oui. Et les autres en ont participé. Et les autres ont participé. Quel était le thème de la réunion, les choses qu'on a décidées de la réunion, les concernant alors, dans ce cas? Bon, en fait, c'était une réunion où le père, en fait, voulait que les gens font des pages. Donc les gens, pas. Justement. Que les gens font des pages, des conjurations, oui. pour pouvoir se lier pour pouvoir passément. Oui. Et c'est ainsi donc qu'ils ont refusé. Oui. Et là, ça s'est resté comme ça jusqu'à ce jour. C'est resté jusqu'à ce jour. Mmh. Mais le mal était maintenant de notre côté, oui. du côté donc de ma mère. Donc c'était à vous donc, de lutter pour sortir du mal. Justement. Et dans ce processus donc. Et dans ce processus. Ma cousine qui a Chang a donc dit à mon père de ne plus fréquenter les marabouts qui viennent donc me laisser, mon grand frère et moi, oui. chez elle. Plus oui. elle était infirmière à oui. cette époque-là. Oui. Comme ça, elle prendra soin de nous. Oui. Mon papa aussi nous a amenés donc à Chang. Oui. Étant donc à Chang, durant à cette époque-ci-là maintenant, je faisais en fait cours élémentaire 1. Oui. Avant qu'on aille à Chang, tu as dit tout à l'heure là que... à l'issue du travail, tu as commencé à expérimenter les mêmes choses. Mm-hmm. Et puis, ton papa avait les mêmes choses, ce qui s'est passé. Ton papa est allé encore chez cette femme-là. La femme a dit que le monsieur, ton grand frère, était venu essayer de la monnaie. Mm-hmm. Et on ne sait pas. Et à l'issue de ça, il n'a-t-elle plus fait de travail sur toi et sur la famille? Bon, à l'issue de cela, mon papa s'est senti découragé. Oui. Parce qu'il avait énormément dépensé chez elle. Mm-hmm. Et jusque-là, les choses n'allaient que de mal en pis. Oui. Donc, il a donc préféré ne plus. À aller là-bas, oui. trouver solution ailleurs. Oui. Et là, maintenant, a-t-il trouvé une solution ailleurs? Comment elle a C'est donc dans la quête de cette solution encore que ma cousine donc fait okay. appel. Mm-hmm. Maintenant, après cela, nous rendons donc à Chang. Oui. Où Chang, c'est dans le département de la mine noire où se trouve l'université, la célèbre université de Chang. Justement. Et Chang est également réputé pour les meurtres sacrificiels mm-hmm. et les meurtres de la sorcellerie. Oui. Donc, après que notre cousine nous ait reçus, et elle travaillait en collaboration avec un docteur qu'on appelait le docteur Langeli. Oui. Et qu'il était beaucoup plus aussi spécialisé dans ce domaine de la rate oui. qui nous concernait. Mm. Bon, lui, selon l'information qu'il avait donnée à mes parents, oui. il nous a fait comprendre que ce cas de maladie, lui, il parvient souvent à guérir cela. Mm. Mais pour nous, est arrivé à un niveau où il ne sait plus quoi faire parce qu'il a tout fermé. Il ne parvient pas à s'en sortir. Mmh. Il a donc proposé à mon père s'il pouvait donc nous prendre toute la famille là, quitter cette maison familiale avec ça, nous. Ça c'est le docteur physique, le docteur, oui. le docteur de l'État qui dit comme ça. Mmh. Mmh. Donc si mon père pouvait nous prendre et quitter la maison familiale, le cadre familial, aller nous garder même quelque part pour que cette situation là, avant qu'on puisse encore combattre pour voir si ça va s'améliorer. Qu'est-ce que le docteur voulait insinuer par là? Bon, le docteur en fait voulait par là dire que le cadre familial a été mauvais et qu'il fallait donc que le père trouve une autre solution. Donc, il voulait dire par là des médicaments possibles, c'est pas possible que cette maladie ne vient pas de c'est pas naturel. Voilà, il disait que cette maladie-là n'est pas naturelle, que c'est une maladie spirituelle. Oui. Donc, ainsi donc, mon père, ayant donc écouté les conseils, oui. a donc dit qu'il n'a pas d'endroit où il pouvait aller nous laisser. Oui. Mais dans les multiples conseils, oui. il a pu trouver une solution. Oui. Et ayant donc trouvé cette solution, il fallait déjà qu'il voie quelqu'un par qui, donc par le canal de qui il pouvait nous laisser donc. Oui. Maintenant, entre-temps, étant donc à Chang, ma cousine a donc proposé qu'on devait nous opérer. Oui. En fait, qu'il fallait opérer et couper cette rade-là, parce oui. qu'elle était déjà... Donc on devait faire l'ablation. Oui. Oui. Et mon grand frère... Donc, il avait beaucoup de choses au niveau du ventre parce que pour lui-même, son estomac était touché. Oui. Donc, et quittant de Chang, on nous avait prescrit certains médicaments, les injections. Mmh. Donc, on devait avoir deux injections par jour. Mmh. Donc, matin, soir. Donc, pendant 2 mois. Donc, sans sauter. Mmh. Et c'est ainsi que... Mais fais ici, je ne parvenais plus à m'asseoir. Tellement, parce que tellement de choses, on brûlait les bananes là au feu pour masser. Mmh. Donc jusque-là, la solution ne se prononçait pas. Mmh. Ce qui fait donc que dans cet état. Et à Changla, puisque tu as dit que tu étais comme un cours élémentaire, première année. Oui. Avec cet état-là, est-ce que tu as pu fréquenter véritablement? Avec cet état, j'avais complètement arrêté avec l'école. L'école à ce moment-là. Oui. Pour essayer de suivre le traitement. Justement. Oui. Donc, et puis, mon grand frère, étant avec mon grand frère, tout ce qu'on entendait de la bouche des gens, donc venant des gens, c'est qu'on devait mourir. Oui. Et ça, c'est à Chang, ayant quitté la maison familiale. Étant à Chang. Maintenant, dans mon cœur, je disais dans mon cœur que mais je dois mourir comment? Donc, comme mon frère a été aussi mort, je dois aussi mourir, un jour on ne me verra plus. Donc, ça me faisait pleurer, mais je ne savais pas comment je pouvais faire pour m'en passer de ça. On essayait de nous consoler. Arrivé donc à Sangchou, au village là. Oui, attends. Donc vous avez quitté finalement encore. Chang. Quel était l'événement qui vous a fait quitter là-bas? C'est le papa qui venait vous prendre pour aller trouver la case, donc le docteur avait dit. Justement. Oui. Maintenant, étant donc au village, il était question qu'on assiste encore au rendez-vous qu'on nous donnait à l'hôpital. Attends. Donc, le papa vient vous prendre. Oui. Puisque le docteur lui a suggéré qu'essaie de trouver un cadre pour vous quitter la maison. Mm-hmm. A-t-il trouvé un cadre donc là où il va vous accueillir? Le père, en ce moment-ci, n'avait pas encore trouvé le cadre. Parce qu'il cherchait encore quelqu'un. Parce que vous êtes revenu à la maison encore. Nous sommes revenus à la maison. Oui, et il faut aller maintenant au rendez-vous de médical. Au rendez-vous. Parce qu'on nous avait donné rendez-vous pendant. Donc, après un mois, on devait revenir. Oui, je rappelle que Sanchu, c'est la localité qui est tout juste après la zone, dans la zone à gauche où, lorsque vous allez à Bafoussam, on traverse pour monter ce qu'on appelle la célèbre falaise. Oui, oui. Pour monter à Chang. Justement. Oui. Voilà. Donc, après, maintenant qu'on soit revenu à la maison, il était question qu'on retourne au rendez-vous après un mois. Oui. Maintenant, sans faire deux semaines, les mêmes situations ont resurgi. Maintenant, il était donc question que mon père vende la machine à coudre de la maman qu'elle avait pour pouvoir gérer certaines situations. Donc il était déjà à bout financièrement au point où il fallait vendre la machine, le seul moyen de subsistant que ta maman avait pour vous nourrir, pour pouvoir essayer de pallier à la situation. Justement. Et il avait déjà vendu les terrains, les espaces qu'il avait, qui possédait les plantations pour pouvoir résoudre. Il n'a pas pu. Il n'a pas ici, pu. Maintenant, le seul recours était la machine à coudre. Mm-hmm. Oui. Donc, étant donc inquiet, il ne savait plus où aller et que faire. Voilà donc qui nous a fait. Voilà donc une femme qui quitte de Sangchou et vient au village rencontrer mon père à la maison du deuil pour lui dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui. Donc voilà ce qu'il avait dit à mon père, que c'est Dieu qui l'a envoyé, qu'il est venu chercher les enfants qui souffrent ici. Oui. Voilà donc mon père lui a dit, ah, si c'est Dieu qui t'a envoyé, pas seulement avec les enfants, moi je ne sais plus. Puisqu'il était dans l'expectative et il attendait cela. Justement. C'était une bonne proposition, comme le docteur avait dit, il faut que les enfants quittent le cadre de la maison. Mm-hmm. Oui. Donc, c'est ainsi donc que le même jour, mon père a dit qu'il va d'abord voir quelque chose. Oui. Il a d'abord envoyé l'aîné, là, mon grand frère, qu'il aille d'abord, parce que son cas était extrême. Donc, mon grand frère part donc, il arrive, il dort un jour. Oui. Mon père part rendre visite à mon grand frère. Il se rend compte que mon grand frère se porte bien. Oui. Maintenant, il vient. Il était un peu content. Il m'a aussi amené. Il a dit au moins que l'endroit est sûr. Il m'a donc amené. Cette femme a travaillé. Bon, elle a travaillé sur nous. Elle a Quand il t'a amené, toi, tu sentais comment? Puisque tu savais que tu étais dans le désespoir et que tu pleurais chaque jour, sachant que, puisqu'on te dit, on vous disait chaque fois la mauvaise nouvelle que vous allez mourir. En t'amenant, est-ce que ici, tu avais au moins la lueur de l'espoir que tu vas vivre? Bon, en m'amenant ici, étant même dans cette jeunesse, je ne savais donc, puisque j'étais déjà bouleversé par les événements et tout ce que j'endurais. Et dans toutes ces situations, toutes les choses que tu as racontées, dont les gens sont de nous écouter maintenant, n'y a-t-il pas eu un moment où vous avez tenté du côté de Dieu? Puisque les parents ont tenté du côté des pasteurs et ainsi de suite pour pouvoir essayer de parler de la situation. Ils n'ont pas pensé à cela. Ok. Donc nous nous trouvons dans cette femme-là qui a dit c'est Dieu qui l'a envoyé venir chercher les enfants. Et quelle est la relation? Est-ce que cette femme-là connaissait la famille? Est-ce que c'était une proche de la famille ou quoi? Elle ne connaissait pas la famille. Et le papa ne la connaissait pas? Le papa ne la connaissait pas. Elle est venue comme ça, elle a fait surface. Oui. Continuons. Maintenant, on t'amène aussi. Et maintenant, on m'amène, le papa m'amène aussi. Oui. J'arrive. Cette femme-là travaille comme elle a l'habitude de travailler avec l'eau. Oui. Donc, on entre dans son bureau, ce qu'elle appelle bureau. Oui. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est que on se déshabille dans son bureau jusqu'à on reste avec le slip. simplement. Maintenant, avant d'entrer, ce n'est pas cimenté, mais on doit enlever les chaussures. Donc, on enlève les chaussures, on met dehors, on entre. Maintenant, quand on est déjà là, ce qu'elle fait, elle a un crucifix dans son bureau là. Oui. Donc, comme les catholiques utilisent souvent, les prêtres utilisent les gros crucifix là. Oui. Oui. Donc, elle a l'autre dans son bureau. Oui. Maintenant, quand on arrive là... Décris un peu le bureau. Quelles sont les choses que tu as vues dans le bureau? Le bureau est dans le bureau déjà est constitué. Il y a les photos, les images de, soi-disant, Jésus qu'on a dessiné au mur, la Sainte Vierge Marie... Oui. Et l'autre image des anges. Oui. Et quelque part, ils ont mis une autre image disant que c'est Dieu qui est assis là-bas sur le trône. Oui. Et puis Jésus est assis à sa droite. Oui. Et puis il y a là, les... Sur le mur. Sur le mur. Oui. Donc c'était les photos. Les photos, oui. En fait. Donc, et elle nous faisait comprendre qu'en fait, c'est Jésus là-bas. Voilà Marie, voilà ceci, la mère de Jésus. Donc ce qui fait... Ça vous a rassuré. Ça nous a rassuré que non, Dieu, Dieu est ici. Certainement est là. Donc, ça, c'est le vous êtes dans le royaume de Dieu. Justement. Et maintenant, sans savoir de quoi il était question, oui. Elle nous amène donc dans son bureau. Elle a aussi les pierres donc, de ces cailloux comme ça, oui. Déposés dans son bureau, avec lequel elle travaille. Mmh. Donc, quand on arrive là, la première des choses, il y a une eau. L'eau avec laquelle elle travaille, elle appelle ça le gouttier. Oui. Donc, elle appelle ça le gouttier. Oui. Elle nous dit que c'est un nom qu'elle avait reçu, donc, que Dieu lui a donné de cette eau-là. Maintenant, cette eau-là... A-t-elle une Bible? Parce que là, la description, elle n'entend pas une Bible. Elle n'a pas une Bible. Okay. Elle n'a pas une Bible, mais elle fréquentait constamment l'église catholique. Okay. Donc, ce qui fait qu'elle allait même souvent au pèlerinage, disant que elle a reçu... Cette... Donc, quittant de là, elle prenait certains produits. Oui. Donc, les produits qu'en faisant les scarifications, elle mettait là. Elle prenait ça chez les elle catholiques. Elle prenait ça chez les catholiques. Ouais. Donc, ce qui fait donc que, après cela maintenant, dans son bureau, il y a cette eau-là. Oui. Aussi, il y a une bassine dans laquelle on puise de l'eau et les seaux qui sont là, on verse cette eau-là. Elle bénit cela et elle travaille avec. Oui. Donc, elle nous a donc pris, elle nous a dit de fermer les yeux. On a donc fermé les yeux. Là, vous êtes dans le bureau présent, toi qui es... Mon grand frère et moi. Oui, tes parents ne sont pas là. Mes parents n'étaient pas encore là. Oui. Donc il était question que mon père aille chercher les autres pour qu'on vienne travailler sur nous tous. Oui. Donc, et premièrement, elle a commencé sur nous. Oui. Donc, elle a donc dit, elle nous a recommandé de fermer les yeux. Oui. Maintenant, après avoir fermé les yeux, elle nous demande de ne pas arrêter les mains. Donc, de ne pas se serrer les doigts. Donc, de tout lâcher. Oui. Et puis maintenant, elle prend de cette eau-là, donc elle puise dans le gobelet, elle verse sur la tête en parlant, en prononçant les paroles. Oui, Parfois, elle parle une langue que bon, moi je ne saisissais pas. Oui. Donc elle parlait, après elle parle en patois. Selon que je comprenais certains mots en patois. Okay. Donc, maintenant qu'on était dans son bureau, Après avoir bavardé en langue et parlant là-bas, oui. Tu étais aussi le point où tu disais, c'est avant que le serpent ne nous distrait là, parce qu'il y a le serpent qui est venu pour faire il voulait aussi écouter le témoignage. Donc, tu étais au niveau du point où tu disais, elle a parlé dans une langue et ce que tu comprenais en patois, qu'est-ce que voulait dire en patois? En patois, elle voulait dire que si quelqu'un nous cherche, que ce soit dans la franc-maçonnerie, que ce soit dans la rose croix. Oui. Ou dans n'importe quel genre de sorcellerie, oui. Que cette personne-là ne nous trouve pas. Oui. Bon, maintenant, après, elle nous demandait, après qu'elle soit en train de verser cette eau-là sur notre tête, oui. Elle nous demandait de répéter dans nos cœurs, oui. La même chose. Oui. Donc, que si quelqu'un essaye de faire du mal, oui. Contre nous, quand que ce mal retourne contre cette personne. Donc, et après qu'elle ait versé cela, et elle devait attendre un petit moment pour, oui. Que notre corps puisse sécher. Oui. Donc, vous ne vous séchez pas avec la serviette. Non. L'eau doit sécher. Oui. Justement. Donc, après cela, maintenant, elle devait passer à une autre phase. Oui. Donc, il s'agissait maintenant de faire la scarification et mettre les produits. Oui. Donc, il fallait le faire sur le front, ici à la poitrine, ici également. Au nombril. Oui. Donc, derrière et ici. Oui. Vers les reins. Donc, ce qui fait qu'après cela, on devait maintenant lécher Donc, elle met de ce produit-là oui. sur la paume de main. Oui, vous léchez. Elle met de l'huile-là. On lèche, on se roule maintenant avec. Oui. avec. Donc, et le traitement, ce traitement devait être renouvelable après chaque 7e mois. Oui. Donc, chaque année, au mois de juin, oui. on devait renouveler. Et entre-temps, vous habitez chez elle? Entre-temps, on habitait chez elle. Donc vous êtes comme ses fils. En dehors de cela, avait-elle des enfants? Elle a les enfants. Elle a les enfants. Et on vivait tous ensemble en communauté. On vivait ensemble. Oui. On vivait ensemble. Donc, elle a 3 filles et 2 garçons. Oui. Et son premier fils, à l'âge de 12 ans. Oui. Donc, avant que nous ne soyons même chez elle, oui. son premier fils, à l'âge de 12 ans, il était entré dans les témoins du Jéhovah. Bon. Oui. Et puis, elle a pris sa Bible brûlée. Oui. On l'a chassé de la maison. Oui. Donc, il était parti depuis ce temps-là. Oui. Il n'était plus jamais revenu. Il restait donc 2 filles à la maison. Donc, il y avait 2 filles à la maison. Il y avait ces 3 filles à la maison. Oui. Et le plus petit même. Le plus petit. Oui. Donc, qui s'appelait Jeannot. Et il aidait, ces enfants-là l'aidaient dans sa tâche. Ces enfants ne participaient même pas dans cette tâche-là. Oui. Il y avait seulement une là, la dernière, qui parfois elle disait écrase mon produit-ci. Mais même jusque-là, elle n'était pas impliquée. Parce qu'elle oui. a les servantes okay. avec qui elle travaille. Oui. Elle les a recrutées comment? Donc, ces servantes-là, puisque nous étions venus, on les a trouvées. Oui. Elle travaillait déjà avec elle. Donc, oui. on ne sait pas comment. Elle était combien, au nombre de combien? Bon, des elle jeunes, avait. Des jeunes femmes, des jeunes filles ou bien des mamans? Les mamans, oui. les mamans. Il y avait 3 mamans. Oui. Et il y avait 3 mamans. Qui habitaient aussi là. Qui habitaient. Bon, les 3 mamans n'habitaient pas chez elles. Donc, elles avaient les maisons non loin quand même. Elles venaient là-bas pour... Oui, elles venaient là pour travailler. Donc, pour travailler. Et elles entonnaient parfois la prière. Oui. Quand elles devaient arriver le jour du traitement général. Oui. Donc, traitement général, c'est-à-dire quoi? Traitement général. Il y a un jour là-bas où... Selon la coutume de ce village-là, oui. les gens ne vont pas au champ. Oui. Maintenant, en ce jour-là, elle a dit que c'est le jour du traitement général. Oui. Donc, tous ces malades, que vous soyez à Melon, que vous soyez n'importe où, donc vous venez, c'est en ce jour-là que tous ces malades se regroupent. Oui. Et les gens venaient en nombre, grand nombre. Les gens venaient en grand nombre. Oui. Donc, les gens qui étaient les fins fonds du village, ils venaient, ceux qui ont les problèmes. Et qui veulent une solution, ils viennent la rencontrer pour lui expliquer. Si c'est les songes, on lui dit les choses, elle dit, bon, selon qu'elle l'interprétait, oui. elle donnait aux gens. Donc, quand elle a donc travaillé sur nous, la famille est venue bien après, elle a aussi fait le même traitement. Oui. Et elle dit, ce qui voilait le peuple, c'est quoi? C'est qu'elle ne prend pas de l'argent. Oui. Tout ce qu'elle prend, c'est 300 francs. Oui. Donc, par personne, elle prend 300 francs. Oh, les gens voient donc que sur les magnes ici, on dépense les 100 000, les ceci-là. Ça fait donc que... Elle ne prend que 300 000, il y avait une différence déjà. Voilà. Donc, et elle-même, elle disait que quand Dieu l'a envoyé, ce n'était pas pour que même les 100 francs qu'elle prend là, c'est juste parce que bon, c'est juste pour que le peuple ne dise pas que non. Elle ne prend rien comment, est-ce que c'est simple? Donc, elle dit que c'est pour cela qu'elle prend les 300 francs. Et elle le disait comme ça, étant sincère. Et elle le disait étant sincère. Et ces 300 francs, quand elle est assise, quand tu viens, tu déposes devant elle. Oui. Donc elle ne prend pas avec les mains, tu déposes là. Oui. Maintenant, après, bon, je ne sais pas ce qu'elle fait bien après avec. Et dans son bureau là, même chez elle, oui. elle a sa chaise unique à elle, donc son tabouret unique à elle. Oui. Donc elle ne partage pas, même la nourriture, chez elle, quand on prépare, on prépare sa part à part. Oui. Et si on prépare sa nourriture, celui qui a préparé ne peut pas goûter. Pas goûter. Donc, si elle vient dans une cérémonie oui. et qu'elle veut manger, il faudrait d'abord qu'elle mange avant que les gens mangent. Mange, oui. Donc, sinon, elle ne pourra plus manger. Donc, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et il y avait certains habits, certains accoutrements qu'on ne pouvait pas venir chez elle avec. Oui. Par exemple, porter le noir, le rouge. Donc, ce sont des couleurs qu'elle interdisait. Donc, oui. tu ne pouvais pas venir chez elle avec. Donc, ce sont des couleurs qu'elle n'aimait pas oui. voir. Donc, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, après cela, le papa a donc trouvé qu'il était mieux. Puisqu'il nous voyait à l'aise là. Et là, maintenant, les choses que tu expérimentais à ce moment-là, après le travail, là, les choses ont drastiquement changé. Après le travail, là, les choses avaient complètement... Bon, les choses avaient changé. Oui, juste parce que j'étais un peu à l'aise. Oui. Maintenant, étant chez elle, j'ai même repris le cours des Mantais 1. Oui, donc, fréquentant là-bas. Donc, et je reprends le cours, j'ai monté un ici chez elle. en 2004. Donc en 2004, donc depuis, ça fait déjà 4 ans. Oui, donc étant toujours chez elle. Maintenant, après cela, la famille, le père avait donc trouvé qu'il était mieux qu'il fasse venir ma maman, qu'elle vive là-bas pour prendre soin de nous. Oui. Et elle quittait de là pour marcher à pied maintenant, aller au village, au champ, donc faire tout ce qu'elle pouvait faire. Oui. Maintenant, et elle préparait la nourriture au village, elle, donc à la maison, elle venait là-bas nous rendre, elle venait nous rendre visite. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Il y avait les moments où elle pouvait faire, même 2 jours, elle ne vient pas. Donc maintenant, après ce temps-là, il a donc trouvé qu'il était mieux que ma maman quitte la maison familiale et qu'elle vienne vivre une fois là-bas avec nous. Et parmi les femmes de mon père, il y a une autre là qui n'avait pas eu d'enfant. Oui. Donc, parce que durant sa jeunesse, selon ce qu'elle nous avait dit, elle avait eu des problèmes avec sa voisine sur les poules. Donc sa voisine avait confondu des poules disant que c'était la sienne et pourtant c'était donc la poule de la femme de mon père là. Ce qui fait donc que sa voisine l'avait donc maudit qu'elle n'aura pas d'enfant. Donc, et ce que l'on nous expliquait, c'est ainsi que la chose s'était produite. Donc elle s'entendait donc avec ma mère. Oui. Ce qui fait que les deux étaient comme des sœurs. Et quand on les voyait, on disait qu'elle était notre grand-mère. Oui. Donc ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours ensemble. Donc quand ma mère donc voulait donc quitter, elle a donc dit qu'elle quitte aussi là-bas. Donc elle vient nous joindre là-bas. Donc ce qui fait que entre-temps, le serpent est encore venu. Entre-temps, il y a eu plus de divisions encore dans la famille. Parce que donc ta maman a quitté avec cette autre femme qui s'est liée à son âme. Vous réfugiez maintenant chez cette maman-là. Chez cette maman. Oui. Et il était question que ma mère revienne maintenant prendre ces choses qui étaient là-bas. Oui. Le jour donc qu'elle est venue devant sa cuisine, comme ça, on avait déposé un produit. Oui. Quand elle a piétiné cela, et sa main, bon, son pied a commencé à faire de ses trucs à l'intérieur. Oui. Bon, elle a donc signalé à mon père. Mon père a donc aussi massé. Oui. Ça a pris aussi son bras, donc sa main. Donc ton père qui est venu masser ces choses-là, oui, ça l'a aussi pris. Aussi pris. Oui. Et la maman aussi, elle massait constamment. Oui. Cela a aussi pris le bras jusqu'à son bras droit-ci. Donc, était paralysée. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne se couche pas sur ce bras-là. Donc, et cette femme-là, ce qui m'avait étonné, c'est que cette femme-là, bon, qui lui avait dit que son bras là devait finir. Oui, cette femme-là chez qui vous habitez. Oui. Oui. Bon, elle avait aussi massé, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Mais le bras est resté comme oui. Cela est jusqu'à aujourd'hui. Donc, et maintenant, le papa, donc, quand il nous a donc envoyé, lui-même, toutes les charges qui devaient tomber sur nous là-bas, les gens maintenant venaient l'oppresser. Donc ton père vous a emmené là-bas et resté seul à la maison. Resté seul à la maison. Maintenant, lui-même... Et par conséquent, il subissait donc maintenant les attaques. Les attaques. Parce qu'il nous disait qu'il était couché comme ça. Donc, on est venu l'attacher au lit, au point où il ne pouvait plus bouger. Maintenant, il était dans un rêve où les gens le poursuivaient. On voulait l'injecter un produit. Les gens le poursuivaient. Il courait à peine. Maintenant, quelqu'un, il a entendu une voix qui lui disait « Prends plutôt telle voix, prends plutôt telle voix. Oui. » C'est ainsi, quand il a pris la voix, là, ces gens-là, il ne l'est. C'est ici donc que tu permets que les gens dans ton témoignage pour expliquer aux certaines personnes qui expérimentent certaines choses et qui ne savent pas comment ça se passe. Ton papa dit qu'il rêvait comment on le poursuivait dans le rêve pour pouvoir injecter. C'est ici l'occasion d'expliquer aux gens que en sorcellerie, lorsque les gens injectent, lorsque quelqu'un se voit mordre par le serpent pour injecter quelque chose dans la substance, la personne tombera malade sur le plan physique. Donc ça veut dire que c'est la maladie qu'on a injecté à la personne. Cette maladie-là peut être donc de façon naturelle, c'est-à-dire que médicalement parlant, on peut déceler que c'est du diabète, on peut déceler que tu as telle chose et autres, sur le plan naturel. Mais jamais sur le plan naturel, on ne pourra résoudre ce problème. C'est-à-dire que quand même vous allez voir médecin après médecin, on pourra diagnostiquer que Si c'est un cancer, par exemple, ou bien c'est le diabète, on va voir que ton diabète est différent des autres parce que ça s'accélère rapidement, parce que c'est sur le plan spirituel que ça s'est passé. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont eu ce type de rêve, il faut chercher rapidement la délivrance et la guérison d'ordre spirituel parce que ce n'est pas de l'ordre spirituel que c'est venu. Donc, toute personne qui expérimente ces injections, et les morsures du serpent dans les songes, que ce soit les morsures de souris, les morsures d'animaux dans les songes, les chiens et autres, pour ceux qui ont reçu les morsures de chiens particulièrement, ils vont savoir effectivement, il y aura une accentuation sur le plan sexuel, un appétit sexuel accru, ça va pousser les gens dans la fornication. Mm-hmm. Oui. Donc, après cela, il y avait en fait un champ qui était resté. Parmi les champs que mon père avait vendus, il n'avait pas vendu celui-là. Oui. Maintenant, on l'interdisait même encore de passer dans ce champ. Qui l'interdisait? Donc, c'est son fils-là qui était à Douala. Là. Oui. Bon, maintenant, l'une des choses qui inquiétait mon père, c'est que un jour, à minuit, selon ce que mon père nous avait dit, il avait rencontré, dans sa chambre, donc la chambre de son fils là, il était... Attends, son fils est à Douala, mais il a sa chambre aussi au village. Il a sa chambre au village, quand il vient, donc quand il vient, il séjourne là-bas. Donc ce qui fait donc, étant donc, à minuit là, mon père ne parvenait pas à dormir, il ne dormait pas. Il s'est donc levé, il s'est réveillé pour voir ce qui se passait. Oui. Il part donc, il guette. Il voit, parce qu'il y avait un petit trou au niveau de la porte là. Oui. Il regarde. Qui permet de, qu'on peut regarder à l'intérieur. Oui. Bon, il avait la lumière dans la chambre. Oui. Il voit comment lui, son fils là est prosterné. Donc, en train d'invoquer, il avait une Bible là même. Oui. Où c'était rouge. Donc, un livre. Un livre, oui. Voilà, il avait un livre. Maintenant, il invoquait de ces trucs. Il parlait. C'est là où mon père donc... Entre-temps, il séjourne au village à ce moment-là. Mm-hmm. Il était venu au village et passé quelques temps. Et quand il vient, donc quel est le rapport avec son papa? Quand il venait, il ne parlait pas avec mon père. Et vous êtes dans la même concession? Ils sont dans la même concession? Dans la même concession. Oui. Parfois, il le salue, le papa le salue, il ne répond pas. Oui. Oui. Donc, ce qui fait donc que le matin, quand le père a vu, il n'a pas voulu l'interrompre la nuit là. Mm. Le matin donc, très tôt, il se réveille, il vient. Il vient vous rencontrer? Il vient le rencontrer. Oui. Il lui demande que... Cette lumière qui est dans la chambre jusqu'au matin là, ça sert à quoi? Donc quand il a parlé ainsi, il n'a même pas toussé. Oui. Donc c'est là où mon père est entré dans la chose maintenant. Oui. Il n'a pas toujours toussé. Donc depuis ce jour-là, il a pris ces choses. Ton père lui a dit directement par ce qu'il a donné faire. Mm-hmm. Oui. Depuis ce jour-là, il a pris ces choses parti. Ton frère a pris ces choses parti. Parti. Oui. Il a dit à mon père qui ne voulait plus le voir dans le champ, donc le champ que mon père avait acheté là, qui ne le verrait que celui qui va rencontrer, donc du côté de ma mère ou mon père, il va finir avec la personne. C'est-à-dire le tuer. Le tuer. Mm. Donc ce qui fait donc que, et la maison que le papa à cette époque-là avait construit à Bounabé, il était allé gagner cette maison, il a pris les papiers, il a dit aucun de ses enfants, les enfants de mon père ne pourra passer là-bas. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas là où la maison là se trouve et je ne veux même pas savoir. Donc ce qui fait donc que, après cette période-là, mon papa aussi, on ne voulait pas aussi le laisser là-bas. Il a donc dit que je ne peux plus continuer à vivre ici. Il a pris aussi ces choses et il nous a suivi là-bas. Maintenant, avec le temps qu'on a passé là-bas, jusqu'à ce que lui, il puisse... Parce qu'à cette époque-là, quand ces choses-là se passent, qu'il avait acheté un petit terrain là, toujours à Sanchula, donc dans un quartier un peu loin de la maison, de là où cette femme s'y vivait, cette femme chez qui nous étions. Oui. Donc, ce qui fait donc... Celle qui a dit que Dieu l'a envoyé, venez vous chercher. Mm-hmm. Étant donc chez elle, mon père a engagé une construction là-bas, donc où il n'a pas fini. Donc, là où il avait pu élever jusqu'en haut. Maintenant, on est quitté donc chez cette femme. Vous vivez donc, à proximité, dans cette maison non achevée. Mm-hmm. Donc après 7 ans, donc on est quitté donc chez elle, on vivait là. Vous avez fait 7 ans chez cette femme-là? Oui, on a fait 7 ans. Et donc tu as fait jadis le cours élémentaire première année jusqu'à quelle école? Jusqu'à quelle donc, classe? Jusqu'en 5e. Étant chez elle? Étant chez elle. Mais c'est vraiment ta mère spirituelle. Hein? Vraiment, donc elle avait eu, je ne sais pas, elle me considérait comme... Quand on nous voyait, on savait que non. Certainement, celui-ci, un jour, il sera quelque chose pour cette femme. Oui. Donc, moi, je ne sais pas, mais... Dans la pratique, à la maison, est-ce qu'il fait la distinction entre vous, les fils qui sont venus de l'extérieur et ses enfants, dans la pratique? Bon, elle ne faisait pas de distinction. Elle était sincère. Mais, là où elle fait la distinction, c'est juste que, bon, là où ça attire un peu mon attention, bon, c'est que... Quand les enfants, il fallait qu'on aille à l'école le matin, elle donnait constamment la yang de beignets à ses enfants. Oui. Bon, quant à nous, on n'avait pas nous la yang de beignets, donc on savait que on partait aussi, on rentrait. Oui. Donc c'est ce qui se passait. Donc c'est pas quand même une très grande distinction. C'est pas une grande distinction, donc c'est juste Maintenant, de l'autre côté, c'est que celui qui est bon, qui était son mari, si je peux dire, parce qu'en fait, elle, je ne peux pas dire qu'ils sont mariés, donc ils se sont connus comme ça, ils ont eu les enfants comme ça. Donc celui-là, avec qui on vivait, bon, ce qui fait que lui, chaque soirée, il rentrait étant sous. Chaque soirée, il rentrait étant sous. Mais souvent, je me posais la question que, mais comment elle ne parvient pas à résoudre son problème. Lui, mais est-ce que ton mari a dit qu'il avait le problème? Quelqu'un vit dans sa soula, dit, tu veux qu'on résout son problème comment? Le problème, c'est que quand il rentrait, il bavardait, il faisait les bruits, il chauffait le quartier. Elle était dans la maison de sa maman, de sa femme, ça. Elle ne s'inquiétait pas. Donc, elle restait, elle, tranquille. Donc, c'est ça, c'est ce qui m'inquiétait plutôt. Donc, après cela, elle nous a... Bon, c'est après qu'on... Quand vous avez déménagé donc, de sa maison, à notre maison, oui. Maintenant, après qu'on soit déménagé de là, il y avait de ces styles de cauchemars qui revenaient. Oui. Donc, qui revenaient. Quels sont ces cauchemars que tu avais donc? Maintenant, ces cauchemars, s'ils venaient, je me trouvais dans l'eau. Soit je suis dans l'eau, en train de travailler. Je ne sais pas ce que je travaille dans l'eau. Mais subitement... Donc, je vois comment l'eau vient avec une forte pression. Donc, cherchant à m'envahir, donc cherchant à me submerger. Et je me retrouve en train de courir pour aller grimper sur un arbre au point où l'eau m'atteint au niveau de la cheville. Donc, c'est comme si l'eau montait jusqu'à le niveau pour te retrouver en haut. Pour me retrouver. Comme une espèce d'inondation. Justement. Subite. Donc, c'est ce qui. Et je faisais cela constamment. Soit je suis dans l'eau en train de pêcher les poissons. Oui. Donc, je ne sais. Et pour les poissons, là, c'était vraiment répétitif parce que je faisais cela constamment. Constamment. Je me trouvais en train de pêcher le poisson. Soit je suis en train de traverser de l'eau. Donc, pour aller de l'autre côté. Et parfois. Je suis dans une pirogue où la pirogue a tendance à... Oui. Donc, à mais faire... parlons de cela. Est-ce que chez cette femme-là, vous êtes allé dans des cours d'eau? Chez cette femme, oui. En fait, elle a une... Donc, l'eau qu'on puise pour qu'elle travaille avec, oui. C'est comme dans une rivière. Oui. Donc, c'est comme dans une rivière. Qui passe dans le village. Et vous y allez pour puiser pour elle? On y va comment? Le jour du traitement général, là. Oui. Après les séances, oui. Parce que j'ai oublié un point, c'est que le jour du traitement général, quand les malades arrivent, oui. Ces servantes viennent, oui. Elles commencent à entonner des chants, elles chantent la Vierge Marie. Les chants de l'église et autres. Les chants de l'église, oui. Elles chantent, donc on mélange Jésus, la Vierge Marie, tout ça, on chante. Donc les mêmes chants qu'à l'église catholique, on chantait, oui. C'est ça qu'on chante. Oui. Maintenant, quand on chante, elles viennent. Oui. Attends, on chante, les gens sont réunis, les gens c'est sont fidèles cordon, on fait ce chant avant qu'elle arrive comme les pasteurs font aussi là. Justement, comme les pasteurs font là. Oui. Quand elle arrive donc, elle ne salue personne, elle passe directement. Oui. Donc en arrivant, elle fait de ses signes avec ses mains. Oui. Elle passe directement dans le bureau. Et là, pour la cérémonie, est-ce qu'elle porte un habit spécial? Bon, pour la cérémonie... Pour la cérémonie des guérisons générales, quoi? Non, elle ne porte pas un habit spécial. Oui. Donc, elle s'habille aussi... Naturellement. Parfois, généralement, oui. pour cette cérémonie de traitement général, elle porte souvent les robes là. Oui. Généralement, c'est la robe qu'elle met. Oui. Bon, maintenant, quand elle vient, elle ne salue personne, elle entre directement dans son bureau, dans le bureau des malades. Oui. Maintenant, quand elle fait peut-être 2 minutes dans le bureau, oui. Il ne sait pas ce qu'elle fait là. Quand elle quitte de là, elle ressort... Elle ressort, elle va dehors. Oui. Maintenant, elle va dehors, elle fait de ces trucs sous le soleil. Bon, après, elle entre. Oui. Quand elle entre cette fois-ci, c'est pour travailler maintenant. Donc, elle est placée là. Elle te dit, viens. Donc, en fait, qu'elle a vu quelque chose sur toi, si c'est un mal, bon, elle se met à toucher l'endroit là, elle travaille. Parfois, elle fait comme ça pour que ça sorte de ta bouche. Oui. Donc, elle fait de ces signes, quoi. Oui. Donc, parfois, elle fait comme ça, les gens se sentent soulagés et puis ils vont s'asseoir. Maintenant, elle ressort maintenant pour la deuxième fois. Tous les malades là, c'était un rituel qui se passait constamment. On savait qu'après telle étape, c'était l'étape. Donc, c'est ça. Et quand les nouveaux venaient, on ne les faisait pas de ça. Oui, on les expliquait. Maintenant, elle ressort pour la deuxième fois. tous les malades maintenant la suivent. Oui. Maintenant, quand on la suit, elle arrive là, elle lève les mains sur le soleil. En plein soleil. Donc, qu'il est soleil, qu'il fasse soleil ou pas. Donc, elle lève les mains vers le ciel. Elle lève les mains vers le ciel. Mmh. Donc, maintenant, elle fait de ces signes avec les pieds, les mains, et puis elle fait comme ceci. Oui. Maintenant, elle regarde. Elle dit à tout le monde de regarder le soleil. Oui. Donc, de regarder le soleil. Maintenant, tout le monde regarde. On regarde, on regarde, on regarde. Ça peut faire parfois 10 minutes, 15 minutes. Wow. Après, elle demande de baisser les yeux. Mmh. Maintenant, quand on baisse les yeux, elle demande de cracher sur la même droite 3 fois. Même gauche 3 fois aussi. Et on fait là, on essuie le visage. Mmh. Après, on crache encore, on essuie. Donc, on masse les endroits qui sont malades. On masse le corps. Maintenant, après, on cache encore, on essuie les pieds. Okay. Maintenant, on se tient. Elle demande qui a vu quoi. Ce que chacun a vu, on raconte, elle donne l'explication. Et dans cette séance-là, puisque tu as participé plusieurs fois, puisque tu as fait cette danse là-bas, mm-hmm. y a-t-il des gens qui voyaient des choses, qui expliquaient qu'ils voyaient des choses? Voilà. Et toi-même, est-ce que tu as vu des choses? Moi, je n'avais jamais rien vu. Oui. Je n'avais jamais rien vu. Mm-hmm. Donc, et ceux qui voyaient... Et ton grand frère, lui, il participait à cela aussi? Mon grand frère participait, mais lui aussi, il n'avait rien vu. Oui, donc ceux qui participaient... Et ceux... Beaucoup plus, ses servantes aussi, ses servantes voyaient beaucoup plus. Oui. Et certains malades, parfois, disaient qu'ils ont vu des choses. Quelqu'un, par exemple, disait qu'il a vu 2 hommes qui venaient là avec des flèches, parfois des épées. Mmh. Bon, l'autre était habillé en bleu, l'autre en blanc. Et on a vu une femme qui est subitement apparue, habillée en bleu également. Mmh. Donc, elle essaie de dire que cette femme, c'est la Vierge Marie. Et que cet homme en blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est quand il y a eu guerre. Donc, elle explique les choses dans lesquelles je ne veux pas entrer. Parce que vraiment, donc, ce sont les choses qui n'édifient pas. Donc, elle expliquait des choses, elle expliquait de ces choses. Parfois, les gens, certains ne voyaient que des étoiles. Elle essaie de dire que ces étoiles-là, ce sont des... Donc, elle disait des choses. Bon, maintenant... Après cette séance-là, tous les malades devaient se diriger dans cette rivière-là. Oui. Maintenant, tous. En fait, c'est parce que tu as parlé de ton rêve de l'eau que je t'ai posé la question pourquoi tu reviens là-dessus. Justement. Tous devaient se diriger dans cette rivière-là, se laver dans cette rivière. Tous les malades sans exception. Tous les malades sans exception. Et chaque fois que la procession se faisait, ça se faisait combien de fois par mois? Cette chose de prière générale là. De traitement général. Oui. C'est une fois par semaine. Une fois par semaine. Chaque semaine, ça veut dire que si tu as fait cette semaine, si tu te laves, la semaine d'après, si tu viens, tu vas encore te laver. Tu vas encore te laver. Et toutes les fois où tu y étais, toutes les semaines, sans exception, tu te lavais là-bas avec eux. Je me lavais. Mais à un moment donné, quand j'étais déjà de l'autre côté avec mes parents là, quand je venais, je n'avais plus... Il n'y a plus l'engouement de participer. L'engouement de participer. Toutes les fois où tu as habité chez elle, tu lavais la cette eau-là. Je me lavais. Oui. Comment ça se passe la procédure pour que les gens partent commencer à se laver, oui? Donc, quand on arrive, elle dit que bon, voici le message qui est venu du ciel. Le message qu'on doit donner avant de se laver. Oui. Donc, elle pouvait donner un message qui dit que Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Maintenant, comme tu as regardé ma famille ou ma vie, tu sais ce qui ne donne pas avec moi. Donc, fais que pendant que je me lave, que cela soit ôté. Donc, de ces choses. Maintenant, quand on arrivait donc dans l'eau, chacun devait dire, donner son mot et puis se laver. Et quand tu finis de laver, tu puises cela avec ta main droite, tu bois 9 fois. Donc, après avoir bu 9 fois, tu puises maintenant dans les bidons ou soit dans les petites bouteilles là pour ceux qui ont besoin, qui voyagent. Oui. Donc, pour les protections contre les accidents. Et il faut garder ça sur soi. Oui. Donc, dans les petites bouteilles là, il faut mettre ça dans sa poche. Donc, contre les accidents et autres. Maintenant, quand on quittait de là maintenant pour retourner dans son bureau, c'était maintenant la séance de visitation. Donc, elle recevait les gens. En fait, dans cette séance-ci, donc tous les malades qui arrivent là, elle bénit d'abord l'eau que vous avez puisée. Maintenant, ceux qui vont rentrer avec, donc chez eux pour faire les traitements avec, maintenant, elle reçoit les gens dans son bureau. Tu viens, si tu as un problème, tu lui expliques. Elle essaie de te donner donc, le conseil, comment tu vas agir, comment tu vas faire. Et c'est comme ça. Maintenant, l'une des fois où je m'étais reproché, c'est que dans la famille, du côté cette autre femme de mon père, donc j'ai dit qu'elle s'entendait avec ma maman là. Oui. De son côté, il y avait l'un de ses oncles, l'un des filles de son oncle qui était malade. Maintenant, ayant fréquenté des marabouts, n'ayant pas trouvé la solution, je suis l'une des personnes qui avait participé pour que lui puisse venir chez cette femme. Parce que puisque tu avais vu les preuves. Puisque j'avais vu les preuves. Et parlant même des preuves, la rate dans laquelle dont le médecin avait dit 7 ans plus tôt que c'était impossible pour lui, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Oui. Ça s'est arrêté. Puisque tous les temps qu'on était chez elle, elle massait, et elle parlait, donnait de ses médications. Médications, oui. Dessus. Et donc là, maintenant, tu as convaincu à cet oncle-là d'amener son. Sa personne là-bas. Sa personne. Oui. Donc, et qu'il devait trouver sans doute la solution. Oui. Quand il est venu. Quand il est donc venu, à cette période-ci, quand il vient, c'est là où je fais maintenant 3e. Oui. Donc, les choses commençaient à être claires. Donc, il y avait déjà beaucoup de questionnements. Parce que par rapport même au rêve que je faisais, donc il y avait beaucoup de questionnements. Je marchais maintenant avec un nouveau testament que la maman avait abandonné. Donc quand elle partait à l'église catholique, bon. On a distribué. On distribuait. Elle aussi, elle ne lisait pas. Elle laissait ça au chevet du lit là. Mais qu'est-ce qui t'a demandé de prendre? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cela? Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à prendre, mais je ressentais en moi que il fallait que je sois avec cela. Donc, qu'il fallait que je sois avec cela. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Donc, si je comprends très bien, toute ta famille était vouée à l'occultisme, à cette façon de faire, à la pensée du maraboutisme, à la vie du maraboutisme, corps et âme et esprit. Âme et esprit. Oui. Et là, subitement, tu commences à avoir la pensée de prendre le Nouveau Testament sans savoir ce que c'est. Mais tu marches avec. Je marche avec. Oui. Je mettais dans ma poche. Et là, quand c'est celui donc, que tu as donné ce conseil pour appuyer, qu'il puisse revenir. Et donc là, quand celui-là est venu, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a été guéri? Donc, est-ce qu'il a guéri? Quand il est donc venu, il vient quand? Quand moi aussi je souffre. Parce que la nuit de ce jour-là. Oui. L'événement que tu viens de raconter là, tu es encore chez eux? Non. J'ai dit, j'ai fait troisième. Troisième, ok. Chez la nouvelle maison que ton papa a construite. Oui. Maintenant, je fais un rêve cette nuit-là. Oui. Qu'un gros serpent dans une forêt me poursuivait. Oui. Je fuyais, je courais. Maintenant, dès que j'ai franchi un lac qui était là, j'ai emprunté une pirogue qui était là. Oui. Bon, dès que j'entre là dans l'eau avec la pirogue, le serpent vient s'arrêter là. Oui. Donc, tellement avec, je ne sais pas, le souffle avec lequel je fuyais dans le rêve, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien après, je me rends compte que ce même serpent que j'ai échappé de l'autre côté, en prenant la pirogue, c'est retourné plutôt de l'autre côté de la famille. Donc, le serpent voulait en fait combattre aussi, chasser aussi la famille. Oui. C'est ainsi donc que je ne sais pas ce qui s'est passé au point où je me retrouvais de l'autre côté avec la famille, qu'on fuyait. Oui, c'est même serpent. Donc ce serpent-là et cette zone-là dans laquelle le serpent vivait. Maintenant, dès que je me réveille à 5 heures, un palu, donc le jour-là, un palu m'avait complètement saisi. Donc au point où je ne parvenais même plus, je ne savais pas si je devais aller à l'école. Et en dormant, tu n'avais pas de problème? Je n'avais pas de problème. Oui. Maintenant, je fais l'effort, j'arrive à l'établissement. As-tu raconté cela à ton papa et ta maman? Je leur avais raconté cela. Quelle était leur réaction? Je leur avais raconté. Ils ont dit que non. Toi-même, tu sais déjà que quand on a de tels problèmes, c'est chez maman Mungo Kompa. Oui. Donc c'est chez elle. Est encore vivante aujourd'hui, celle-là? Elle est vivante. Je vais même vous raconter, si vous le permettez, ce qui s'est passé après tous ces événements. Ok, ok. Donc, maintenant, dès que je rentre, ils me font part de cela. Oui. Que de me diriger chez elle pour lui raconter. Donc tu es allé à l'école quand même? Je suis allé à l'école. Mais c'est pas lui, là. Justement. Tu ne te sentais pas bien? Je ne me sentais pas bien. Mais arrivé à l'établissement, il y avait la diarrhée qui m'avait saisi. Au point où je ne pouvais plus continuer avec les cours, je suis rentré. Maintenant, dès que je suis arrivé, j'ai expliqué à la famille, aux parents, ils m'ont fait comprendre que je devais me retrouver chez elle. Oui. Je suis donc arrivé là-bas. Elle m'a donné un mois. Est-ce que tu lui as dit de raconter le songe? Je lui ai raconté le songe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai raconté le songe. Elle m'a fait comprendre que ce sont des mauvais gens, ce sont tous ces gens-là qui veulent de notre mal. Donc elle a juste expliqué comme ça. J'ai donc profité pour lui dire les rêves, expliquer les rêves des os que je fais souvent. Elle m'a fait comprendre que en ce qui concerne pour les rêves des eaux, quand elle-même voulait faire ce travail qu'elle fait, donc elle voyait, elle faisait ses rêves constamment. Oui. Donc, c'est donc avant qu'elle entre dans son ministère, le ministère qu'elle fait pour aider les gens, comme elle le dit, elle vivait déjà ces styles de songes que toi tu faisais. Qu'elle vivait cela. Oui, qu'elle vivait ça aussi avant de deviner ce qu'elle allait. Qu'elle te disait ça, elle voulait te dire quoi au juste? Bon, quand elle disait ça, c'était directement venu dans mon esprit que certainement un jour, je pourrais faire comme elle. Oui. Donc je pourrais faire les mêmes pratiques qu'elle. Et toi, tu n'étais pas fier? Je n'étais pas. En fait, moi, déjà en troisième, avant que je n'arrive en troisième, j'étais fier. Oui. Parce qu'il arrivait que je disais à ma maman que vraiment, si je peux aider les gens, donc comme les gens souffrent, je vois les gens souffrir, si je peux les aider aussi, à trouver, ça va te plaire, ça va me plaire. Mais quand je suis arrivé en troisième là, je ne sais pas, il y avait une certaine méfiance quand même. Oui. Donc je sentais qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Mmh. Donc il fallait que je me méfie un peu, sans toutefois savoir de quoi il était question. Maintenant, quand elle m'a donc dit ça, je réfléchissais. Une pensée m'est venue à l'esprit, celle de savoir, parce qu'elle nous avait fait raconter son histoire. Oui. Comment, quand elle voulait travailler, ce qu'elle fait là, elle allait au champ, la voix là lui disait de ne plus travailler. Donc, en fait, elle anticipait. Oui. Et puis, elle prenait la houe pour travailler. On arrachait la houe entre ses mains, la houe partait. Oui. Et elle arrivait dans sa chambre. Donc une voix lui disait de ne pas travailler, de se consacrer à lui. Elle faisait la tétitesse. Elle s'aventurait encore à travailler au champ. Et puis, une main arrachait cette roue-là et jetait. Oui. Oui. Et parfois, les beignets qu'elle faisait pour vendre, un jour, on lui a dit qu'on va te verser de l'huile. Oui. Donc, jusqu'à ce qu'elle arrête avec les beignets. Oui. Maintenant, quand elle était chez elle dans la chambre, un jour, elle a vu le soleil à part. Donc, toute la chambre était la lumière du soleil. Elle nous a dit la lumière du soleil. La lumière du soleil. Et la voix-là lui proposait, elle lui faisait les propositions que si elle refusait, elle va devenir folle, elle va devenir ceci. Oui. Donc, c'est ainsi donc, qu'elle a accepté. Et maintenant. Et là, elle a dit ça sur son témoignage de son appel. Oui. Et là, elle dit que c'est Dieu qui lui parlait. Elle dit que c'est Dieu qui lui parlait. Donc, c'est qu'elle est au service de Dieu. Et de là, j'avais compris que par le passé, oui. elle nous disait qu'elle avait quelqu'un dans la famille où c'était son père oui. qui pratiquait. Donc, son qui père qui était un grand marabout dans son village. Oui. Maintenant, c'est suite à cela que j'ai compris qu'en fait, c'était l'initiation. L'initiation. Donc, c'est donc après cela, quand elle m'a donc expliqué pour les eaux là. Oui. Moi, je me méfiais déjà d'elle. Oui, et là, tu es venu, donc, puisque sous l'impulsion de ton père, comme tu as fait ce rêve de serpent, tu es venu vers elle. Je suis venu vers elle. Tu as dû parler de un mois de quel... Elle m'a donné un mois de traitement. Oui. Et durant ces un mois-là, je devais passer une nuit. Donc, je devais dormir dans son bureau, là. Ah, dans le bureau, là, où il n'y a pas de... Tu as dit que ce n'était pas cimenté, là. Ce n'était pas cimenté. Donc, je devais prendre mes cahiers, mes choses à la maison, venir passer une nuit là-bas. Donc, venir rester là-bas. Oui. Tu dors avec tous ces statues de haut là qu'il y a au mur. Qu'il y a au mur, avec les moustiques qui étaient là, qui ne nous permettaient même pas de dormir. Donc les moustiques étaient là. Donc c'est quand je dors, donc là, que celui-là vient. Oui. Donc celui dont je parlais. Oui, celui que tu as dit, il faut qu'on l'amène pour qu'il soit guéri. Pour qu'il oui. soit aussi guéri. Oui. Étant donc là, j'avais toute la possibilité de le convaincre, oui. de lui faire comprendre que non, tu es au bon endroit, oui. tout ça. Et j'avais le Nouveau Testament là. Oui. Tout ce que je lisais, oui. donc quand je me couchais là-bas, durant cette période-là, oui. parce qu'il me semblait que tous les traitements qu'elle me prescrivait, je buvais, ça ne me... Donc, je ne trouvais pas de guérison oui. à cette période-là. Oui. Donc, je ne savais pas pourquoi. Bon, attends, entre-temps, tu lisais dans le Nouveau Testament que tu avais entre les mains. Oui, je lisais le Nouveau Testament. Et étant caché dans son bureau, donc, est-ce que tu lisais cela? Je lisais. Mais si elle avait déjà vu cela un jour... Elle n'avait pas vu, mais le jour qu'elle a vu ça, oui. donc, elle a fait... Donc, elle a eu un air bizarre. Oui. Et cela, donc, j'avais compris. Mais je ne sais pas si elle avait saisi que j'avais compris. Parce que je voyais son attitude avait changé. Maintenant, qu'est-ce que... Et là, tu crois qu'elle servait le Dieu dont on parlait là-dedans? Dont on parlait dedans. Parce que tout ce que je lisais, la période-là, c'était les psaumes. Là où je disais que, oh Seigneur, aie pitié de moi. C'est toi qui combats mes ennemis. Donc, durant cette période-là, quand je lisais... Donc, je lisais. C'était comme une prière pour moi que je faisais. Donc, durant un mois, donc, tu as passé là-bas. Durant un mois. Maintenant, vers le 20e jour, les 20e jours comme ça, jusque-là, les remèdes qu'elle préparait dans les bidons de 10 litres là, je devais boire un litre le matin, un litre à midi, un litre le soir. durant les 3 litres par jour. Durant les 20 jours là. Le remède là, donc tout ce que je pouvais, toute la laine que je pouvais avoir, c'était le remède. Quand tu respirais, c'était le remède. C'était le remède. Oui. Mais jusque là, j'ai dit à ma maman que vraiment, le traitement, c'est qu'il y a des traitements que je ne fais que suivre des puits. Oui. Mais je ne parviens pas à avoir le changement. Parce qu'à cette période-là, je ressentais au niveau de mes testicules, oui. Il y avait donc un truc qui marchait là-bas. Oui. Mais je ne savais pas ce que c'était. Oui. C'est là où la délivrance, donc c'est là où en fait le oui. Seigneur commence à ouvrir mes yeux. Oui. Parce que ces choses-là étaient là depuis, je ne me rendais pas compte. Jusqu'à ce que je commence à lire donc les Écritures et que donc je commence à m'interroger par rapport à ce qu'elle fait, que ces choses-là commençaient maintenant à se présenter à moi. La maman a donc dit que bon, tu veux qu'on fasse comment? Donc un mois sont passés donc sans que j'ai pris mes choses. À l'issue de un mois, est-ce que toi, elle vous a encore rencontré? À l'issue de un mois, on se voyait constamment. Mmh. Puisque durant ces un mois-là, ses ventes ne venaient pas plus constamment. Mmh. Et j'étais l'une des personnes qui entonnait souvent la prière là-bas. Ah, donc, ouais. Qui chantait. Elle était contente. J'étais ministre des cultes. Oui, elle était contente aussi. Ce qui fait donc que, après que le cas de mon oncle, là, celui-là, oui. Donc soit fini. Est-ce qu'il a trouvé la guérison? Bon, pour lui, comme elle avait dit que c'était les mauvais esprits, on voulait le tuer. Oui. Donc, elle a barré la route. Oui. Donc, il était à l'aise. Il était à l'aise. Il est donc rentré. Donc, il savait que pour lui, il est résolu. Mais toi, qui l'as conseillé de venir, toi, tu n'as pas trouvé la solution. Je n'ai pas trouvé la solution. Il y avait des doutes en toi. Il y avait déjà les doutes. J'ai dit à maman que je ne pense plus qu'elle veut continuer à dormir encore là. Elle a dit que, mais si tu parles comme ça jusqu'à elle comprend. Mmh. Elle dit que, non, je ne peux plus. Elle dit que, bon. Fais quand même comme si tu... Fais semblant. Fais semblant. Oui. Je fais maintenant le semblant, je partais. Et tout ce temps-là, toutes ces périodes-là, je lui rendais visite pour lui poser plutôt les questions. Oui. Parce que je venais lui demander que... Lui poser les questions dans la Bible. Parce que je lisais jusqu'à ce qu'un jour, je puisse ouvrir la Bible, je tombe dans Luc 21. Oui. Là où le Seigneur Jésus parlait des faux prophètes qui vont venir en son nom. Plusieurs vont venir en son nom. Oui. Et ils diront, c'est moi, mais quand je suis arrivé, mais ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Oui. C'est là où je m'étais arrêté. Oui. Donc, c'est comme si la parole-là parlait en moi. Donc, me disait que non, c'est la même chose que la femme l'a fait. Donc, elle fait partie de cette catégorie de personnes que le Seigneur Jésus-Christ est en train de citer là. Donc, et justement, dans ton témoignage, elle dit que c'est Dieu, c'est une voix qui lui a parlé dans la lumière. Et nous savons que c'est Jésus qui habite dans la lumière. Justement. Donc, il voulait dire que c'est Jésus qui l'a envoyé. Mm-hmm. Et là, Jésus lui, il te dit dans la Bible que fais attention. Fais attention. Oui. C'est là où maintenant, tous les traitements, tous les jours de traitement général, quand j'y allais, c'était... Cette parole-là restait toujours en moi. Ça restait en moi. Maintenant, je lui posais toutes les questions que je lui posais maintenant. Parce que les gens avaient cette liberté-là de poser les questions. Mais les questions que les gens posaient ne venaient pas de la parole. Maintenant, toutes les questions que moi, je lui posais maintenant, ça venait de la Bible. À un moment donné, elle s'est rendue compte que je lisais beaucoup. Et... Elle commençait à me dire de faire attention. Alors, quand tu lisais la Bible, la première fois que tu lui as posé une question, quelle est la question que tu lui as posée pour la toute première fois concernant la Bible? En fait, la question que je lui avais posée, c'est vrai que je me souviens plus trop, mais ça avait une relation avec l'appel de Jésus. Oui. Donc, avec l'appel de Jésus, ça avait une relation. Elle a répondu, façon dont elle m'avait répondu, je n'étais pas satisfait. Oui. Parce que je sentais que non, il y avait des choses. Parce qu'elle répondait selon... Je ne sais pas trop. C'était comme la philosophie. Oui. Donc, elle essayait de raisonner, de donner de ses points de vue. Oui. Donc, et puis, suite à cela, je n'étais pas satisfait. Mm. Et cette soif-là, maintenant, quand, après le BPC, je ne sais pas ce qui me pousse à dire que je vais aller faire l'enseignement. Je ne sais pas. Mm. Donc, jusqu'à ce que je parle aux parents, les parents me demandent encore d'aller lui demander conseil. Son avis. Son avis. Donc, c'est elle maintenant qui choisit le métier que moi je dois faire. Oui. Donc elle choisit donc ce métier à la veille du jour où je devais partir. On prie donc, elle dit qu'elle a vu les anges et ses servantes ont témoigné la même chose. Oui. Elles ont vu les anges de Dieu. Bon, comme elle parlait de Dieu, je sais que ce n'était pas les anges du Dieu vivant. Oui. Donc qu'elle a vu les anges qui sont allés m'accompagner dans cet établissement. Oui. Parce que c'est elle également qui était allée m'inscrire là-bas. Donc tes parents ont reçu et légué la responsabilité de ta vie entre les mains de cette femme-là. Entre ces mains. Au point où c'est elle qui doit choisir et ton éducation et oui, la façon dont tu vas fréquenter. Oui. Oui. Donc c'est ce qui se passait. Maintenant, j'arrive donc à Chang, je me rends compte que tout ce que j'avais reçu. Oui, attends, là tu te trouves, tu te retrouves une fois de plus à Chang où tu es quitté plusieurs années plus tôt, plus de 9 ans plus tôt, pour aller te faire soigner chez cette femme-là. Tu reviens encore là-bas pour fréquenter maintenant cette fois-ci. Avant de continuer là-bas, puisque nous nous déportons du côté de Chang, avant de déporter là-bas, je vais te poser la question par rapport aux gens qui viennent entourer cette femme-là pour la guérison générale. Y avait-il des chrétiens catholiques parmi? Plein. Il y avait plein de. La majorité même. Oui. Était des chrétiens. Elle venait donc là-bas et les dimanches, ils partaient à l'église, comme on dit. Beaucoup venaient avec les chapelets. Oui. Et cette femme, quand elle là-bas, on comptait les chapelets. Je comptais les chapelets là-bas. Parce que c'est je ne sais pas, ce que les catholiques font, ils appellent chemin de croix là. Oui. Voilà. En ce jour-là, on faisait exactement le même chemin de croix. Oui. Tous ces malades devaient se réunir et faire le chemin de croix là. Et qui portait donc, portait la croix aussi? Non, là-bas ils ne portaient pas la croix. Ils faisaient la procession en chantant, en comptant les chapelets, en se prosternant, en faisant tous ces rites qu'ils font. Oui. Oui. Donc, mais c'est terrible, pas vrai? Vraiment, c'est terrible. Allons-y du côté de Chang. Montons les falaises donc, et allons du côté de Chang. Dans le froid et dans la haute altitude de l'université de Chang. Allons-y. J'arrive donc à Chang. Il est question que je fasse seconde. Oui. Seconde technique. Oui. Maintenant. Et le métier qu'elle a choisi, la filière qu'elle a choisi, c'est ça, c'est lui, elle qui va t'inscrire. C'est elle qui était allée m'inscrire. Oui. Donc avant même que je ne monte. Oui, elle t'a précédé. Elle m'a précédé. Oui. Donc, maintenant j'arrive à Chang, il est question que j'habite chez ma cousine. Oui. Avec ma cousine. Étant donc chez elle, dans cette soif-là, puisque je voulais davantage connaître les Écritures, Je cherchais là où je pouvais être orienté. Qu'est-ce qui te donnait la soif? C'est la question intéressante. Vraiment? Qu'est-ce qui te poussait à chercher plutôt quelque chose dans cette écriture-là? Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est le Seigneur, parce que je ne peux pas comprendre comment était venue cette soif-là. Okay, allons-y. Donc, maintenant, en poursuivant donc, en faisant des recherches, je cherchais un endroit où je pouvais davantage être édifié. Mais ma cousine, alors, elle m'a proposé d'aller à l'église évangélique pour faire la catéchèse là-bas. Oui. Et après 6 mois, on me baptise. Comme ils disent. Je suis alors donc allé à l'église, à l'EEC. Oui. Maintenant, après donc faisant la catéchèse, c'est une femme qui nous faisait ce qu'ils appellent le catéchisme. Donc elle nous faisait cette doctrine-là. Et puis elle voyait que j'étais l'une des personnes qui était brillante quand même. Parmi ces. Et puis, elle me demandait si j'avais d'abord eu à. Donc, par le passé, à faire d'abord. Avant de revenir. Oui. J'ai dit non. Donc, c'est ainsi que. Bon, elle aimait beaucoup me poser les questions. Et après cela, après les 6 mois, il est question. Nous sommes ici en 2010. 2010, oui. Donc, nous sommes en 2010. En avril 2010, donc. Oui. Et le 10 avril 2010. Donc, il était question donc on verse les gouttes d'eau sur ma tête. Oui. En ce jour, on était habillé en blanc. Oui. Et on était venu là avec nos bibles, tout. Maintenant, on nous a donc versé les gouttes d'eau sur la tête, disant que c'était le baptême. J'étais content. J'étais content. Avant ça, le pasteur qui était là, qui nous avait donc qui avait pris une séance d'exhortation. Oui. Donc, pour tous ceux qui devaient se baptiser, nous a fait comprendre que le baptême, en fait, que ce soit par aspersion ou par immersion, que la forme du baptême importe peu, selon ce qu'il nous avait dit. Nous, on avait aussi bu, mais bibliquement, il ne touchait pas. Donc, en fait, il ne venait pas dans... Il expliquait sans toucher un verset biblique. Maintenant, après quelques jours, un camarade de classe avec qui je faisais seconde, il s'appelait Martin. Lui, il me dit... Donc, parce que j'aimais beaucoup partager la parole avec lui. On lisait, on s'exhortait. Il m'a dit que... Il voit que j'aime le Seigneur. Il va me donner certains enseignements. C'est passé, je vais les écouter. Après avoir écouté cela, je viendrai, on causera. Maintenant, il m'a donné cela sur l'enseignement. On parle du pasteur Kléber. Donc, c'est lui qui parle là. Bon, je ne sais pas, comme tu m'as demandé, c'est un Camerounais. Oui. J'ai juste, je ne sais pas réellement si c'est un oui. Donc, Camerounais. Donc sur le CD, c'est écrit Pasteur Kléber. Pasteur Kléber. Oui, mais on n'a pas écrit le thème de l'enseignement. Bon, on n'a pas écrit le thème sur le CD. Maintenant, quand je mets l'enseignement, lui parle du baptême d'eau. Lui parle du baptême d'eau. Oui. Il parlait du baptême d'eau, du baptême dans le Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Oui. Il parlait en fait, ce que c'est que le baptême. Quelque part, il dénonçait aussi les dénominations. Oui. Donc, et il dénonçait les dénominations. Oui. Et quelque part, il disait que si on veut comparer, si on veut faire la comparaison entre ce qu'on appelle aujourd'hui Église, oui. par rapport à ce que c'était que l'Église primitive, on verra que personne ne sera sauvé. Oui. Donc il a parlé de beaucoup de choses, mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé là-bas, c'était le baptême. Parce que ça venait directement... Quelques jours après ton soi-disant baptême. Justement. Mmh. Quand j'ai donc écouté ça avec tous les passages bibliques oui. qui citaient et que moi-même je vérifiais oui. dans la Bible, voyant que cela était vrai, oui. j'ai pris l'engagement de dire « Que dois-je faire, Seigneur ?» Là, tu étais seul avec cet enseignement. Seul à seul avec cet enseignement. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai dit que ça, c'est la vérité. Oui. Maintenant, je me disais que ceux de l'EEC oui. devaient aussi l'accepter comme moi. Mmh. Tu ne savais pas qu'il y a un problème. Je ne savais pas qu'il y avait un problème. Oui. Je me dirige donc. Avec le CD. Ou bien avec les enseignements. Avec les versets bibliques. Les versets bibliques, oui. il avait noté. Oui. Je me dirige. Parce qu'il avait aussi parlé du voile. Oui. Voilà. Il avait dit que dans ces. Il parlait les dénominations, elle les appelle les poubelles. Oui. Donc aujourd'hui, on l'appelle par aberration église. Oui. Maintenant, il dit que tu vois les femmes qui mettent les boucles, les gens ne se voient plus. Oui. Et ils disent qu'ils servent le Seigneur. Oui. Maintenant, quand j'ai écouté ça, tout ce que je partais maintenant à l'heure, c'est fait. Quand je voyais une sœur donc, qui n'était pas voilée, oui. je voyais 1 Corinthiens 11. Je lui demandais que, mais tu as déjà lu ce passage ici. L'autre, un jour, c'était même et là, cette façon de faire t'a attiré comme plutôt les ennemis. Ça m'a plutôt attiré les ennemis. Les gens commençaient à me regarder bizarrement. Mm. Et puis, quand je suis rentré, je me suis encore posé la question que, mais pourquoi ils ont du mal à comprendre ça? Pourtant, c'est la Bible que je c'est la Bible. Oui. Maintenant, l'autre, j'ai rencontré l'un des passés, il m'a dit que non, tu sais que l'église de Corinthe, et tu sais que bon, Paul écrivait comme ça, c'est pas tout ce que Paul a dit, que normalement on doit respecter à la lettre. Et après, il me dit que en fait, je vois que tu es encore jeune. Mmh. Ça, c'est un pasteur qui te dit comme oui, ça. Oui, il dit qu'il me conseille que pour comprendre réellement la Bible, il faut aller faire l'école de théologie. Mmh. Que là où il est là, il est pasteur, il a fait la théologie. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il peut parler de la Bible comme il parle là. Mm-hmm. Donc quand j'ai compris ça, ça me frustrait même. Oui. J'ai fait quelques temps là-bas et je ne partais plus. Oui, et ta soeur, ta cousine à la maison qui t'avait conseillé, vous n'en avez pas parlé. Elle était membre de cette... elle m'avait conseillé, elle est païenne, elle ne fréquente aucune dénomination. Mais c'est elle qui a dit que va au moins ça. Et c'est elle qui m'a dit d'aller là-bas. Oui. Maintenant, quand j'arrive donc, quand je sorte donc de l'EEC, oui. je suis là. Tu as décidé de sortir seul. Je suis sorti seul. Pourquoi tu es sorti? Je suis sorti parce qu'en fait, personne ne voulait accepter la vérité, ce que je présentais. Et moi, je voyais qu'ils étaient dans le faux. Dans le faux, mmh. selon les Écritures, comme j'examinais. Maintenant, jusque-là, je n'avais même encore rien compris par rapport aux dénominations même. Oui. Ce qui avait fait que je me détache de l'EEC, c'était. C'est du baptême et du voile. Voilà. Donc tu vas chercher maintenant l'endroit au moins où il y aura le voile et le baptême là. Oui. Mm. Maintenant, je suis avec ce camarade de classe à l'établissement. On partageait beaucoup la parole. On passait même notre temps à lire le Nouveau Testament. On lisait. Les gens nous demandaient que mais vous êtes venu fréquenter, vous êtes venu lire. On avait donc une soif. On ne pouvait pas arrêter. Bon, là, ton camarade là, après une semaine après que tu t'es baptisé, c'est comment on se dit. Mm-hmm. Il te donne le CD, tu peux écouter à l'intérieur que le baptême n'est pas comme tu as vu là. Mm-hmm. Tu es revenu vers lui pour demander que. Je suis revenu vers lui. Oui. Je lui ai dit que. Je lui ai remercié. Je lui ai dit vraiment, c'est vraiment le Seigneur qui a permis que tu me donnes cela. Mm-hmm. Parce que je vois que c'est la vérité. Oui. Il était aussi content. Il était content. Mais après quelques années, oui. bon, après quelques années. Il n'était plus très ferme dans la foi parce qu'il a été persécuté par ses parents du fait qu'il ne pratiquait pas les coutumes, les traditions, les crânes là. Oui, les traditions dans l'ouest du Cameroun. Oui, au point où il a faibli. Oui. Donc il s'est refroidi. Oui. Et en ces temps-là, je l'ai exhorté, je l'ai encouragé. Je lui disais que c'est la même chose chez toi aussi. Chez moi aussi. Donc, bon, aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, tu sors donc de l'ESC, mm-hmm. vous vous exhortez à l'établissement. Et comment tu fais donc? Quelle est la suite? Voilà, la suite, c'est que, après cela, il ne me dit pas quand même que, bon, on se rassemble, que je le retrouve, on se rassemble. Il ne te dit pas ça? Oui, eux se rassemblaient dans les maisons, donc ils se rassemblaient ainsi. Mais il ne m'avait pas dit de venir le retrouver. Maintenant, c'est à la suite de ce que je partageais, comme tous les camarades de classe que je rencontrais, je l'ai partagé seulement la parole, je l'ai raconté les merveilles de Jésus. Oui. Donc c'est tout ce que je trouvais à leur dire. Maintenant, parmi eux, il y a un maintenant qui, lui aussi, il n'allait nulle part. Oui. Il m'a dit que non. Quand je te vois parler là, tu parles comme mon frère qui est dans tel, à Deepa Life. Donc il n'a pas dit Deepa là, mais il a dit tu parles comme mon frère qui est dans une église là-bas. Oui. Maintenant, quand il m'a dit ça, il dit que si tu veux, il peut te conduire vers mon frère là. Et lui-même, il ne veut pas s'engager. Il ne veut pas s'engager. Je peux te conduire vers mon frère là. Oui. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à accepter aussi. Oui. Un dimanche, il m'a amené là-bas. Oui. Et depuis ce jour, il n'est plus jamais passé là-bas. Donc, il m'amène dans un panneau indicateur. Oui. Mmh. J'arrive donc, tout ce que je pouvais dire après le message. Donc, quand j'étais arrivé, dans mon cœur, ça brûlait que je veux servir le Seigneur. Donc, il faut quelqu'un pour m'orienter. Oui. Maintenant, je savais qu'il y avait des choses en moi. Oui, et là, tu viens au moins, les femmes sont voilées comme tu veux. Oui, là, les femmes étaient voilées. Ou dans ce cas-là, tu n'as pas ouvert 1 Corinthiens 11. Je n'ai rien ouvert parce que j'ai vu comment les gens étaient bien habillés, oui. Bien habillés. Mais à l'intérieur de toi, c'est tout quelque chose. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose. Oui. Je l'ai. À la fin, j'ai dit que je veux parler au pasteur. Bon, entre le moment où tu te baptises à l'ESC. Enfin, baptême, comme on peut le dire. Mm-hmm. Entre le moment où tu te fais asperger à l'ESC, que tu quittes, les rêves sont comment? Bon, entre ce moment-là, oui. Je rêvais, mais les rêves ne venaient plus de façon intensive comme avant. Le même style de rêve, c'est le même toujours. Le même style de rêve revenait. Oui. Mais ça pouvait faire un mois. Oui. Mais les rêves qui étaient constamment là, oui. C'était les rêves dans lesquels on me donnait à manger. Oui. Dans les songes. On me donnait à manger. Oui. Jusqu'à ce que le dernier rêve que j'ai fait concernant l'eau, oui. C'est que quoi? C'est que j'étais dans un stade où je jouais au football. Oui. Certaines deux femmes sont sorties de l'eau. Elles venaient me chercher. Tu es dans le stade en train de jouer? Oui. Deux femmes sortent de l'eau. Oui. Elles viennent. Elles disent qu'elles veulent qu'on aille ensemble. Il y a plusieurs personnes là. Il y a plusieurs c'est personnes. Toi qu'on indique. Elles sont venues me chercher. Oui. Qu'on aille. Je me suis engagé, arrivé devant et je dis mais. Où est-ce que je suis en train d'aller? J'ai dit non, je ne peux pas aller avec vous. Oui. Donc quand elles m'ont dit qu'on partait dans l'eau, donc j'ai dit que non, je ne peux pas. Elles sont venues t'inviter quand on part dans l'eau. Oui. Ces femmes-là, elles étaient comment? Jeunes femmes. Oui. Donc c'était des jeunes femmes. Oui. Oui. Deux. Donc quand elles ont dit ça, j'ai refusé. Ça, c'est en ce moment-là, tu es du côté de Chang et tu lis déjà la Bible. Je lis déjà la Bible. Mm-hmm. Maintenant, tu te trouves donc à Deepa Life. Mm-hmm. Ça, c'est Deepa Life de Kumuyi, le Nigérian. Oui. Alors maintenant, ça, c'est à Chang. Deepa Life de Chang. De Chang. Voilà, maintenant. Et tu te dis que il y a des choses en toi et après le culte, tu vas parler au pasteur. Oui. Mm-hmm. Après le culte, maintenant, il y a l'un des anciens qui était là qui m'a conduit vers le pasteur. Oui. Donc, ton témoignage, nous avons quitté le cadre familial maintenant de la sorcellerie et au-delà du maraboutisme et des persécutions familiales. Nous nous retrouvons maintenant dans le cadre chrétien. Mm. Et c'est ici que ça devient intéressant. Justement. Oui. Donc, à ce moment-là, quand le pasteur m'accueille chaleureusement, oui. Tout ce qui vient, oui. C'est qu'il me demande qui je suis. Oui. Bon, je me suis présenté. Et puis, je leur ai fait comprendre que je vis des situations qui vraiment, je ne parlais même pas à comprendre certaines. Oui. Ils m'ont demandé de donner mon témoignage. Oui. Maintenant, quand j'ai commencé à donner le témoignage jusqu'à toucher le point de cette femme-là chez qui on était. Vous avez vécu. C'est là où je ressentais une pression à moi. Oui. Donc, qui m'empêchait de parler. Oui. Donc, c'est comme si on avait fermé ma bouche. Oui. Donc, je ne parvenais pas à m'exprimer et il y avait... Donc, les secousses-là qui avaient commencé. Mmh. Donc, au point où je parlais, ils essayaient de m'arrêter. Que je parle. Quand j'ai fini donc, de parler, ils ont donc dit qu'ils vont prier pour moi. Mmh. Ils ont donc commencé la prière-là. Ils ont invoqué le nom de Jésus. Ils ont commandé, ils ont prié, prié, prié. Que ce que mon corps n'était pas dédié au diable. Oui. C'est ainsi. Ils ont fait cette déclaration. Et puis, donc, ils ont fait près d'une heure de temps. Oui. Là, en priant. Je me souvenais donc même plus de ce qui se passait. Parce oui. que j'étais couché là, oui. sur le banc. C'est comme ça que j'entendais tout seulement les combien voix personnes des gens. Priaient. Ils étaient même... Ils pouvaient être cinq oui. qui priaient là. Ils te mélangeaient. Oui, ils me mélangeaient. Donc, ils priaient, ils priaient. C'est comme ça que... Après, bon, ils ont dit que ça va. Donc, quand je me suis réveillé oui. ils ont dit que ça va. Oui. Que j'ai été délivré. Et comment tu te sentais à ce moment-là, quand ils ont dit ça va bon. Et que tu t'es réveillé? Quand ils ont dit que ça va, oui. c'est comme si j'avais... Bon, je sentais, en fait, une certaine... Je me sentais troublé d'abord dans mon esprit. Oui. Donc, je ne savais pas ce qui arrivait. Ce qui arrivait. Oui, ce qui était arrivé. Ce qui était arrivé, oui. Bon, quand ils ont dit que ça va, j'ai dit que, ok, bon, comme ils ont dit là, j'ai l'assurance que oui. ça va. Mais à l'intérieur de Mais toi. À l'intérieur, oui. je savais qu'il y avait encore quelque chose. Oui. Donc, qui n'allait pas. Oui. Cet esprit-là n'était pas sorti, mais ça s'agitait. Donc, quand ça s'est agité là, oui. et puis ils ont dit que l'esprit m'avait libéré. Oui. Donc, que l'esprit m'était quitté. Mais jusque-là, quand je suis parti, j'étais dans la joie pour un petit moment. Oui. Donc après que je suis arrivé à la maison, oui. c'est là où ma cousine, elle a dit que depuis, elle a constaté que ma façon de prier dans la maison s'est changée. Oui. Qu'est-ce que je suis devenu? Est-ce que j'ai encore à l'EEC? Oui. Je lui ai dit non. Elle qui n'y va pas. Mm-hmm. Elle ne me suit pas à l'EEC. Je lui ai dit non. Elle dit que tu pars maintenant. L'EEC, c'est l'église évangélique du Cameroun. Du Cameroun. Oui. Elle dit tu pars maintenant où? Je lui ai dit que il y a un endroit, une dénomination, bon, une église ici où on se rassemble. Elle dit que on t'a pas amené à Chang pour que tu viennes entrer dans les sectes. Toi, à peine arrivé dans une vie, tu ne connais même pas bien la vie. Tu es là, tu passes ici, tu es avec tout le monde. Toi, tu vas entrer, tu vas porter les choses que même tes parents sont là, ils ont souffert, ils ne parviennent plus. Tu vas encore mélanger les choses. Donc, quand elle m'a parlé comme ça, je suis rentré, je suis arrivé dans la chambre. Pendant que je méditais. Revenons sur la prière, avant que tu parles de la méditation. Mm-hmm. Pendant qu'on priait pour toi, les prières se passaient en langue, comment ça se passait? Bon, quand il priait pour moi, oui. bon, il y avait qui parlait, bon, comme il mélangeait les oui, voix, je ne pouvais pas entendre. Et pourquoi ta cousine dit que ton style de prière a changé? Parce que elle se rendait compte. Je ne savais pas qu'elle me guettait parfois quand je priais dans la chambre. Oui. Parce que quand je venais d'entrer dans la chambre, je priais, je citais les versets bibliques, je priais. Parce qu'à l'EEC, on ne priait pas comme ça. Oui. Donc, à l'EEC, on ne priait pas comme ça. Oui. À l'EEC, on sait aussi que bon, on fait notre Père qui est aux cieux après. Oui. Et puis, maintenant. Tu étais dans la méditation par rapport à ce qu'elle a dit. Par rapport à ce qu'elle m'avait dit. Mm. Pendant que je méditais tous les jours, pendant que je méditais, je me sentais à l'aise de retourner toujours là-bas. Là-bas donc, où? À Dipalaf. Oui. Donc, je me sentais qu'il donc, fallait que tu sois là-bas. Que je sois là-bas. Oui. Mais je ne savais pas pourquoi. Et cette fois-ci, c'est que je cherchais le baptême. Oui. Donc, je voulais à tout prix me baptiser. Oui. Maintenant, quand j'ai donc vu les séances que j'ai passées en rencontrant les dirigeants là-bas, mm-hmm. ils m'ont plutôt repoussé. Tu es venu leur faire état du fait que tu voulais te baptiser. Oui, ils ont repoussé. Ils ont dit que non, il faut attendre quand on sera à la convention, à Bafoussam. C'est là où le pasteur régional va venir. Il est à Bafoussam. Là-bas, tu pourras te baptiser. Oui. Donc, quand ils ont... Tu as patienté. J'ai patienté. Arrivé à cette convention-là, voilà, donc personne n'avait mon temps. J'ai rappelé aux frères qui étaient là, ils ont dit... Donc, personne ne s'intéressait même encore au baptême, mmh. jusqu'à ce qu'on ne quitte de là comme ça, sans plus faire état de mon baptême. Mmh. Voilà, donc, ça t'a dérangé, ça? Ça me rongeait. Mmh. Je me demandais que, mais comment? Le Seigneur ne voudrait pas que je me baptise. Pourtant, dans l'enseignement, j'ai écouté que si j'écoute cet enseignement... Dans l'enseignement de ce pasteur, Clébert. Oui. Dans l'enseignement, j'avais écouté que celui qui ne se baptise pas, c'est après l'enlèvement qu'il va se rendre compte qu'il n'était pas enfant de Dieu. Oui. Donc, je cherchais tous les moyens pour me faire baptiser. Mm. Après cela, donc, dès qu'ils ont refusé le baptême, là, mon engagement... Avec l'engouement que tu avais pour venir vers eux. J'avais, donc, ce n'était plus trop là. Donc, j'y allais, mais pas plus constamment. Mm. jusqu'à ce que ma cousine n'appelle au village pour dire que je suis entré dans une église là, elle ne connaît même pas là où ça se trouve. Donc jusqu'à ce que maintenant, c'est du village que mon grand frère m'appelle. Le grand frère avec qui tu étais chez, le... chez la femme là. Chez la femme 9 ans plus tôt. Oui, 9 ans plus tôt. Elle m'appelle, il m'appelle autant pour moi. Il me dit que il veut me voir, que il faut voir, qu'il faut voyager et venir au village, que le père est gravement malade. Peut-être qu'il veut mourir. Maintenant, il m'a dit ça. Donc, parlant avec des paroles douces et simples, j'ai cru que c'était sérieux. Maintenant, j'ai dit, bon, comme le matin, si j'allais à l'école, je vais aller prendre le billet de sortir à l'établissement. Pour venir. Une demande de permission à l'école. Une demande de permission, oui. Je suis allé prendre la demande de permission. Donc, on m'a donc donné l'économe qui était là a signé. Le surveillant général a signé, il m'a donné. Je suis donc rentré. En partant, j'ai dit, je peux arriver là-bas, je passe nuit. J'ai pris ma Bible. J'avais tellement souligné des passages à l'intérieur que. Et la grâce que le Seigneur m'avait accordée, c'était de lire, de beaucoup lire en ce temps-là, sans savoir ce qui m'attendait devant. Maintenant, c'est quand j'arrive au village, avec la Bible, avec l'une des brochures que j'avais reçues de Rina Bonke, qui parlait du baptême du Saint-Esprit aussi. Oui. Toutes ces choses-là, j'avais pris avec moi. J'arrive donc, je les avais pris avec moi, j'arrive donc au village. Ce jour-là, aux environs de 11h, tout le monde, toute la famille, donc la maman, mes deux grands frères. Ça, c'est dans la nouvelle maison qu'ils avaient construite maintenant. Oui, ma maman, les deux mamans-là et mes deux grands frères. Et tout cela, il m'attendait en haut. Le papa n'était même pas là. Oui. Il était lui à la réunion familiale au village. Oui. Donc, il ne savait même pas. Donc, c'était un mensonge et un gâte-à-pince que justement, ta famille t'a tendu. Qu'elle m'avait tendu. Maintenant, à cette période-ci-là, quand cela se passe, c'est quand je ne suis même plus, je n'allais plus à Dipala. Oui. Donc, j'avais eu à rencontrer maintenant un pasteur ici. Oui. Donc, il s'appelait le pasteur Apollinaire. Lui, il donnait les cours bibliques par correspondance et Emmaüs. Oui. Donc, suivant toujours, c'est toujours par un frère, donc un frère avec qui. Il te connecte avec lui. Lui qui me connecte. Et lui, il était lui toujours chez lui. Quand les gens, il recevait les gens et il partageait la parole. Et pourquoi tu n'es pas longtemps de baptiser, peut-être faire baptiser chez lui alors? Je suis allé donc le rencontrer. Face à face. Face à face. Et il donne les cours de bibliques par correspondance. Par correspondance, oui. Ah, Emmaüs. Oui, je suis. Emmaüs, tu dois là ici. Bon, c'était Emmaüs de Bafoussam. Oui. Donc, je suis allé donc le rencontrer. On a causé. Il m'a dit que vraiment, je suis en train de traverser une phase. Il faut que je tienne ferme, que je ne lâche pas. Oui. Il m'a donc exhorté. Ça, c'est avant qu'on ne t'appelle au village. Bon, avant qu'on ne m'appelle au village. Oui. Il dit cet événement avec le pasteur Apollinaire qui donne le cours biblique, c'est avant que ça ne soit pas au village ou c'est après? Bon, ça c'est après. Bon, il faut que je finisse avant. Okay, oui. Bon, maintenant quand je suis au village, voici ce qui se passe. Il me parle, mes grands frères me parlent. Ils disent que... Bon, quand ils t'ont accueilli comment, chaleureusement ou comment? Ils m'ont accueilli, donc avec un air qui me faisait comprendre qu'il y avait une situation qu'il fallait régler là. Oui. Donc, ce qui fait donc que je me suis dit que où le père était, ils étaient en route parce que le père était en train de mourir déjà. Oui. Maintenant, ils m'ont donc dit que allons, il est à l'hôpital Ndongé. Oui. L'hôpital Ndongé se trouve derrière la maison de cette femme-là. Quelle femme? La femme qu'on consultait là. Oui, la femme qui disait que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Là, oui. Cette femme chez qui on a donc, été. Donc, ta mère spirituelle, oui. Maintenant, quand ils ont dit ça, c'est d'abord venu, ça m'est venu à l'esprit que faut faire attention, sois prudent. J'arrive donc, comme en partant, j'avais appelé l'autre pasteur de Dipala pour lui dire, il a dit qu'il va prier pour moi. Je suis donc parti. J'arrive, pendant que nous y sommes, à l'hôpital Ndongé, il disait que non, le père, on l'a plutôt transféré dans le bureau de la maman là. La maman, là. Le bureau que tu connais très bien. Que je connais très bien. Il a dit que vous savez quoi? Il disait non. Il dit qu'aujourd'hui, avec ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux plus aller chez cette femme-là. Il disait pourquoi? Il dit que non. Voici ce que la parole de Dieu dit. Parce que quand je lisais beaucoup ces temps-là, c'est Exode et Lévitique-là qui revenaient tout. plus qu'il ne faut pas faire passer son fils par le feu, on ne doit pas consulter. Quand tu vois chez toi, personne qui consulte les devins et ceci, les astrologues. Tu leur as cité ça. Je leur ai cité ça et je leur ai expliqué que voici les pratiques qu'elle fait. Oui. Et voilà ce que Dieu condamne. Oui. Maintenant, vous me dites de désobéir à ce que Dieu m'a dit. Là, vous êtes en pleine route. On est en pleine route. Dans l'optique d'aller à l'hôpital, ils te disent plutôt que non, le père est plutôt par là-bas. Oui. Donc, pour te flatter, pour continuer à aller. Et là, stop, tu commences à leur expliquer. Je commence à leur expliquer. Oui. C'est là où mon grand frère, là, celui avec qui j'étais toujours souffrant, là, oui. Il me dit que, attends, tu es devenu témoin de Jéhovah. Il dit que moi, je ne connais pas les témoins, mais je suis en train de vous parler de la Bible ici. Mmh. Il dit que qui a écrit la Bible? N'est-ce pas, les Blancs sont venus nous corrompre, donc il a commencé à parler des trucs. Là, je me suis tranquillisé. Il a dit que... Quelle était la réaction de ta maman et de l'autre maman? Ma maman était là, elle observait seulement. Mm-hmm. Et celle-là, qui est... Peut-être ta maman, oui. Elle mettait seulement les mains et disait que, hé, on m'a déjà trompé. Mm-hmm. C'est là où mon grand frère a dit que, petit frère, tu sais, tu es encore jeune. Et moi, je te conseille, fais vite demi-tour, sinon tu vas regretter dans ta vie. Je lui ai dit, regretter quoi? Je vais regretter d'avoir suivi le Seigneur. Comment? Il dit que, qui t'a dit que c'est la voix de Dieu là-bas? Ici, là, tu es en train de suivre le Seigneur. Quelqu'un, durant les années, t'a sauvé. Oui. Tu viens d'un coup comme ça. Oui. Dis que la personne n'est pas de Dieu. Tu sais ce que ça peut faire. Bon, pourquoi Dieu là n'a pas attendu? Dieu là n'était pas venu comme ça là. Te sauver en ce moment-là. Oui. Pourquoi il a voulu que tu passes par elle? Mmh. C'est parce que Dieu savait que c'est en elle qu'il a déposé cela. Il essaie de me flatter comme ça. Il essaie de me flatter. Mais dans mon esprit, ça ne passait pas. Mm-hmm. Je lui ai dit que non, je ne peux pas. Quel que soit ce que vous allez dire, je vous ai dit la vérité. Et je sais que Dieu est vérité. Je ne peux plus aller là-bas. Mm-hmm. Parce que Dieu m'a recommandé de ne plus y aller. Et on dit, c'est ce qu'on va voir. Dès que j'étais en train de parler, ils m'ont saisi donc. Ils m'ont porté. J'étais là en route, les gens nous observaient. On disait, mais celui-ci, il a que voulu ou il a fait quoi? Les gens nous observaient. Ils m'ont donc porté, par force. Ils m'ont transporté par force pour m'amener là-bas. Dès que j'étais là, donc ils étaient en train de courir avec moi. J'ai vu la femme là sur l'autre rue, comment elle passait. Donc c'était un plan qu'ils avaient tissé. Oui. Maintenant, elle allait attendre devant pour accueillir. Oui. Dès qu'ils arrivent, c'est elle qui donne la recommandation, descendez-le. Oui. Dès qu'ils me mettent au sol là, elle me donne une paire de gifles ici. Bang. C'est là où mon grand frère aussi me donne un coup de poing. Bang. Qui t'a envoyé entrer dans les sectes? Et ta maman est présente? Ma maman est présente. Et je voyais le sang qui coulait. Mmh. Mais je ne pouvais pas ressentir la douleur. Oui. Je ne savais pas ce qui se passait. Mmh. Maintenant, quand ils ont donc fait cela, c'est là où j'ai vraiment vu que la femme. Quand cette femme-là t'a giflé, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a giflé. Elle disait par derrière à ma mère qu'il a fait à ce que je puisse le taper avec les mains que je frappe les malades avec là. Donc les mains qui ne sont pas saines. Donc, elle frappe souvent les malades avec sa main. Mm-hmm. Pourquoi frapper? Donc, en fait, les fous, mm-hmm. Elle parlait des fous. Oui. Parce qu'elle dit que quand elle frappe les fous avec, quand un fou est trop agité, oui. Donc elle frappe le fou avec cette main-là, le fou se calme. La main gauche. Oui. Mm-hmm. Donc elle disait qu'elle m'a donc frappé avec cette main. Mm-hmm. Puis elle voyait que j'étais agité. Je concrétisais ce qui venait de là-bas. Oui. Maintenant, quand elle m'a donc frappé ainsi, ils m'ont donc toujours transféré. On t'a encore porté comme un militariste. Oui. Amené dans son bureau là. Donc même avec la force, on passe par les mêmes procédures. Pas les mêmes procédures. On entre d'abord dans le bureau. Dans le bureau. Mm-hmm. Ils disent enlève les chaussures, enlève. Ils disent que je n'enlève plus, je ne peux pas entrer ici. Oui. Ils ont dit que c'est. Elle a dit tu n'entres pas. Elle dit c'est ce qu'on va voir. Mm-hmm. Elle allait au mur tirer. Il y avait une longue courroie là au mur. Mm-hmm. Elle a tiré ça. Elle dit que tu vois ça non? Oui. Tu sais que c'est avec ça que je traite les fous ici non? C'est comme ça que je vais te traiter. Donc, quand elle a donc parlé ainsi, oui. J'étais moi là, j'observais, j'attendais. La maman a dit que non, qu'elle attendait. Mm-hmm. Elle a enlevé mes chaussures. Ta maman à toi? Oui. Mm-hmm. M'ont amené dedans. Oui. Dès que j'arrive, elle me demande de m'asseoir. Elle dit que je ne peux pas m'asseoir. Oui. Je dis que, dites-moi d'abord pourquoi vous me menacez. Oui. Elle dit que, on est là, on veut te sauver, tu dis qu'on te menace. Oui. Elle dit que vous voulez me sauver par rapport à quoi? Jésus-Christ m'a déjà... Dès que je dis que Jésus-Christ m'a déjà sauvé, elle dit, tu vas te taire. Elle a parlé. Elle était furieuse. Donc, elle a utilisé l'autorité là. Oui. Elle dit que je dois me taire. C'est ainsi donc qu'elle a commencé. Elle a demandé à la maman et aux autres de sortir, oui, et nous laisser à deux. Mmh. Maintenant, elle m'a demandé que pourquoi est-ce qu'on t'a envoyé à Tchang? C'était pour fréquenter ou bien c'était pour aller entrer dans les sectes? Je lui ai dit que je ne suis pas entré dans une secte. Oui. Moi, je sais que en lisant la parole de Dieu, j'ai découvert que beaucoup de choses qui se passent ici n'est pas vrai. Oui. Et je me suis retiré. J'ai pris, parce que voilà ce que la Bible dit. J'ai expliqué. Elle était là calmement en t'écoutant. Elle écoutait. Elle dit que, attends, tu connais la Bible plus que qui? Que moi, je suis ici depuis des années. Je ne lis pas la Bible, mais Dieu m'enseigne. Oui. Elle a parlé les choses. Elle dit que tu connais la Bible plus que qui? Hein? Moi, je suis là. Je fais tout. Hein? J'avais mis mon cœur sur tout. Donc, je t'avais pris à cœur. Oui. Je fais tout pour toi. On fait tout. Tu ne vois pas. Donc, elle a commencé à parler. Elle a dit des choses. Et puis, je me suis calmé. Elle dit que, en tout cas, c'est ce qu'on va voir. Elle a dit à mes frères de fouiller mon sac. Oui. Ils ont enlevé la Bible. Le sac avec lequel tu es venu. Oui, ils ont enlevé la Bible. Tout, tout, tout. Elle a déposé ça là-bas. Oui. Elle dit que ça peut même faire là-bas sans temps. Mais elle ne doit pas lire. Dieu l'enseigne comme ça depuis... Sans Bible. Sans Bible. Donc, elle a donc dit ça. Elle m'a demandé. Elle m'a dit que ce que tu dois faire, quand tu partais, on t'avait bien dit de faire attention. Mmh. Et tu allais entrer dans la secte. Qui t'a même amené là-bas? Mmh. Donne-nous le nom de celui qui t'a amené là-bas. Mmh. Je lui ai fait comprendre que personne ne m'a amené dans une secte. Le Seigneur m'a visité, un point d'entrée. C'est là où elle a dit que, en tout cas, ce n'est pas, on n'est pas venu ici discuter. On est venu ici te dire que comme on t'a amené là, tu ne retournes plus. Oui. Donc jusqu'à ce que ta folie là finisse. Oui. Maintenant, tu pourras retourner fréquenter. Et même si on veut même que tu retournes, ça serait pour un bon bout de temps. Oui. Elle dit que si Dieu veut même que je ne fréquente plus, il n'y a pas de problème. Oui. C'est comme ça. Ils ont dit que mon grand frère dit, vous comprenez comment il parle, non? Il dit aussi Dieu veut qu'il ne fréquente plus. Mmh. Donc on a déjà lavé sa tête. Il dit que Dieu veut qu'il ne fréquente plus. Donc, quel que soit ce qu'on t'a fait, ça va sortir. Mmh. Elle a dit à ma mère qu'on doit le renforcer. Mmh. Donc, elle dit renforcer. Elle dit qu'il faut renforcer. Qu'il faut qu'on me renforce. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut te renforcer. Elle voulait dire que, comme on avait travaillé sur nous là, oui. Donc, comme ça n'avait même pas encore fait un an, oui. Donc il fallait qu'on renouvelle, oui. Qu'on reprenne encore. Oui. Donc, c'est ce qu'elle voulait dire par renforcer. Oui. Quand elle a donc dit ça, j'ai compris. J'ai fait comme si je n'avais rien compris. Oui. Elle a parlé par derrière, bon, à mes grands frères de m'amener dans l'eau là. Oui. Donc, pour que je me lave. Pour la purification. Pour la purification. Ainsi donc. Ils t'ont porté, ils vont te forcer encore. Bon, ils m'ont forcé. Nous sommes allés. Arrivé là, j'ai fait une prière, j'ai dit que Seigneur, vraiment, si je savais que on m'appelait pour me tromper, donc pour me mentir, oui. Je ne devais pas venir. Mmh. Mais si tu as permis que je vienne jusqu'ici, voici, c'est à cause de ton nom que je suis ici là. Mmh. Maintenant, ils m'ont dit de me laver dans l'eau-ci. Mmh. Je me livre entre tes mains. C'est comme ça que je me suis donc lavé. Dans mon cœur, je n'étais pas tranquille. Mmh. Je n'étais pas tranquille. Ça veut que. Mais tes grands frères, est-ce que ton frère s'était lavé? Pourquoi tu n'as pas résisté, par exemple? Quand j'ai résisté, ils m'ont dit que si c'est la force, on va voir. Mmh. Donc, ils essayaient encore de me porter. Mmh. J'ai dit que non, ne me portez pas, on part. Mmh. J'arrive devant. J'ai dit que je fuis ou je fais comment? Je pars. Dès qu'on arrive là, je reste. Il m'observait. Il disait, lave-toi. Si tu ne te laves pas, on va te mettre dans l'eau, on va te laver. Mm-hmm. C'est ainsi donc que je me suis compris comme ça. J'ai fait cette prière-là. Mm-hmm. Après, maintenant que je sois retourné chez elle, maintenant. Dans son bureau-là, oui. C'est là où elle a encore fait de ces trucs, répéter ces scarifications-là, oui. Sur moi. Mm-hmm. Et mais tu étais là, ton cœur n'était pas là. Mon cœur n'était pas. Dans mon cœur, je priais donc. Comme dans les dénominations aussi, on nous enseignait qu'on envoyait le feu, il faut le sang de Jésus. Dans mon cœur, tout ce que j'invoquais, c'était le sang de Jésus, c'était le sang de Jésus. Donc, tout ce que j'invoquais dans mon cœur. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait une certaine résistance par rapport à ce qu'elle faisait sur moi. Parce que c'est comme si elle-même sentait que quelque chose n'allait pas. Mais je ne sais pas. Donc, après que cette séance-là soit passée, Elle a donc dit à mes parents que non, à maman que non. On m'avait pas encore trop mis dans le bain. Donc dans le secteur où tu étais, tu n'étais pas trop plongé. Je n'étais pas encore trop plongé. Oui. Donc on peut encore me récupérer. Donc quand elle a donc dit ça, elle a dit que j'ai dit laissez-moi partir. Ils m'ont dit que donc tu veux même qu'on te laisse pour que tu ailles encore faire tes trucs là. Mon grand frère a dit que calme-toi, l'autre grand frère. Attends, ce travail, c'est ce même jour là seulement. C'est ce même jour. Là tu n'as pas encore vu ton père. Je n'ai même pas encore vu mon père. Maintenant, mon père, à la réunion familiale, là, ils avaient un funérail là-bas au village. Oui. Maintenant, il était concerné. Donc, le funérail là, le concernait. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, elle m'a dit de signer que si on veut me lâcher, que je signe. J'écrivais d'abord de mes propres mains. Je signe que, comme je retourne à Tchang, je n'irai plus dans cette église-là. Et si je veux aller dans une église, que ce soit l'église catholique ou l'église évangélique. Oui. Donc, les deux là. En dehors catholique ou protestant, les églises protestantes. Oui. En dehors des deux là, je reste à la maison. J'ai dit que de partir dans ces deux là, je préfère moi rester à la maison. Oui. Ils ont donc dit que oui, reste donc à la maison. J'ai dit que oui, je vais rester à la maison. Oui. Elle a dit, écris alors. J'ai écrit. Elle a donc dit que, bon, comme tu es là, mon grand frère a pris mon téléphone. Oui. Il a dit qu'il y a même le numéro de ses pasteurs là-dedans. Donc, il a confisqué le téléphone avec la puce. Il dit que pas. Donc, on ne te donne plus jusqu'à ce que tu changes. Oui. Voilà. Arrivé en route, j'ai demandé à ma mère que... Donc, vous venez vendre votre fils chez le diable disant que vous êtes en train d'aider votre fils. Oui. Elle dit que tu continues toujours à parler. Mon grand frère, l'autre grand frère était lui là. Celui-là... quand il fallait agir, il agissait. Oui. Mais lui ne parlait pas trop. Oui. Lui, il observait ses mains. Je lui ai dit que, regardez, vous dites que vous avez travaillé sur moi. Oui. Rien n'a changé. Oui. Vous n'avez pas enlevé ce que, tu connais de ce que je connais de Christ. Donc Christ, s'il m'a vraiment touché, rien ne pourra enlever cela. Donc tout ce que vous avez fait là, c'est déjà annulé. Quand il dit ça, ma mère pleurait même. Elle pleurait devant moi, devant mes frères. L'autre m'a demandé de ne plus parler comme ça. Mmh. Il a dit que, ok, même si Dieu m'a appelé à le servir ou à être avec lui, personne ne pourra empêcher cela. Oui. Donc, après avoir parlé ainsi, ils m'ont dit que va quand même dire au revoir à ton père au village. C'est mon grand frère là qui m'a amené au village maintenant. Celui-là qui n'était pas trop violent. Mmh. Mais dans la marche, vous n'avez pas causé. Bon, on était sur la moto. Oui. Et dans mon cœur, c'est que j'étais irrité contre eux sur ce qu'ils... Ils avaient fait. Mmh. Et je réfléchissais encore, je ne comprenais pas comment ils peuvent agir jusqu'à ce niveau-là. Mmh. Maintenant, dans l'ignorance, ils pensent te sauver. Mmh. Dans l'ignorance. Oui, ils pensent te protéger. Ils pensent veiller sur toi en tant que ton frère, en tant que tes parents. Mmh. Mmh. Maintenant, arrivé au village, j'ai rencontré mon père. C'est là où mon père me dit maintenant que, comme j'ai obéi, je suis venu jusqu'à le voir. Oui. C'est une bonne chose. Mais tout ce que lui, en fait, lui, il ne savait pas ce qui s'est passé, ce qui se passait. Maintenant, il est allé dans, il a fouillé son sac. Les poulets qu'il avait, ils ont fait au funérail là. Il m'a donné ça. Il lui a dit que papa, merci, mais je ne peux pas manger. Il a dit que mais tu ne manges pas pour quoi? On a un problème. Il lui a dit que bon, je ne peux pas manger. La parole de Dieu ne me recommande pas de manger les choses qu'on a sacrifiées au président. Il a encore mis les mains sur la tête. Il dit que, donc, tu es jusqu'à ce niveau-là. Il dit que, en tout cas, comme tu ne veux pas manger ce que moi, ton père, je t'ai donné, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que je partais. C'est comme ça qu'il m'a donc dit de partir. Je suis parti. Quand je suis arrivé à Tchang, c'est là où ma mère m'appelle. Elle me dit que mon père a fait 2 jours sans manger à cause des paroles que je lui avais données au lieu de funérailles là. C'est quand j'ai écouté ça, elle dit que depuis là, il ne fait que penser à cela, il pense à cela, il ne dort pas, il dit que il avait eu l'enfant, il est entré dans la secte, il a tué son fils. Voici que celui-ci a encore suivi les mêmes voies. Voilà qui va encore livrer toute la famille. J'avais peut-être cru qu'un jour je serais en paix. Voilà que celui-ci a encore. Je vais te comparer donc maintenant la voie que tu as prise. Il pensait que tu as pris la même voie que ton frère qui vous décimait. Mm-hmm. A aussi pris. Il dit que L'autre avait parlé de la Bible, il lisait la Bible dans sa chambre. Mmh. Celui-ci vient encore parler de la Bible. Mmh. Donc ça veut dire qu'il a suivi les mêmes voies. Donc, il, alors que celui-là lisait les livres de magie. Il lisait les livres de magie. Oui, de magie. Donc il passait tout son temps à fumer la pipe là. Il pensait, il réfléchissait. Il a même réfléchi jusqu'à dire à ma mère qu'on me fasse rentrer. Mmh. Que donc, qu'il veut que même l'école là, ça s'arrête comme ça. Donc, et que si quelque chose m'arrive encore, il va s'en prendre à cette femme-là, oui, et à ma maman. Donc, quand elle a donc dit comme ça, la femme-là a compris ça. Ça lui a donné encore le pouvoir, oui, donc de pouvoir me persécuter encore. Mmh. Jusqu'à ce qu'elle est venue à Tchang, donc voir là où je vivais. Oui. Elle est venue me gronder, me dire des choses, me donner les mises en, donc de, me mise donner en garde. Les mises en garde. Me donner des choses, me dire des choses. J'ai entendu que tu vas encore retourner dans ces choses-là. Elle a parlé. Quand elle partait, je suis allé, elle a dit que j'allais l'accompagner. Arrivé en route, dès la nuit, elle rentrait avec ma mère. Je lui ai posé une question. Elle dit que maman, tu sais. Elle dit non. Elle dit que bon, comme tu m'as interdit d'aller encore adorer Dieu là, est-ce que si tu marches en route, tu vois quelqu'un dans un trou, dois-tu l'enlever ou bien dois-tu le faire sortir du trou ou bien tu dois le laisser? Quand j'ai parlé comme ça, donc elle a compris là où je voulais en venir. Elle a donc dit que avant même de vouloir se faire sortir quelqu'un du trou, que toi-même tu es placé où? Donc elle voulait pas dire que j'étais aussi dans le trou. Comme moi je veux retourner dans ces endroits où dit que je voulais aider. Voilà. Donc quand elle a donc dit ça, j'ai un peu parlé. Elle dit que elle voit que je reviens encore là, avec la pensée là. Mmh. En tout cas, même si je ne suis pas n'importe où, ses yeux sont sur moi. Oui. Même si elle n'est pas ici, elle est à Sanctu là-bas. Oui. Elle me voit. Donc elle sait tout ce qui se passe. Oui. Donc si elle voit seulement que j'ai encore commencé à y aller, elle va seulement venir me chercher cette fois-ci avec la police. Oui. Quand elle a donc dit ça, je suis rentré. J'ai fait un mois. Oui. Je n'avais plus de contact. Je n'avais plus de visite d'un frère. Oui. Donc, j'arrivais à l'établissement. Donc, tous les coups qu'on faisait, oui, rien n'entrait. Oui. J'ai passé près de 2 semaines comme ça, oui, sans comprendre ce qu'on fait à l'établissement. Parce que je passais tout mon temps à réfléchir, oui, à méditer sur ce que la famille m'avait fait. Oui. Et j'ai demandé au Seigneur que, mais Seigneur, suis-je vraiment sur la voie? Et les paroles qui venaient dans mon cœur me maintenir encore dans ma position, c'est, il y avait Matthieu 10, 32. Mm. Là où le Seigneur dit que quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant les hommes, mm, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Mm. Et il dit que, et à la suite, quand, là où il dit que celui qui ne hait pas ses parents, oui, donc celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, mm, n'est pas digne de moi. Oui. Quand je voulais un peu comprendre, donc faire mettre en pratique ce qu'il disait, oui, cette parole là revenait, oui, me dit de faire attention. Oui. Donc c'est ainsi que je calais sur ma position. Tu as tenu ferme. Je tenais ferme. Oui. Maintenant, entre temps, je faisais dans le, donc après ces un mois là, oui, c'est après les un mois, je m'étais rendu compte que les mêmes rêves du passé, oui, que ce soit pour les eaux, que ce soit pour les repas nocturnes, revenait à plusieurs reprises encore. Donc, de façon récurrente. Oui, c'est là où j'ai compris que j'étais en train d'abandonner les voies du Seigneur. J'ai dit que cette fois-ci-là, si je pars encore à l'église, si je continue à aller, ma cousine va encore les appeler. Mm-hmm. Mais maintenant, si, selon que la parole a dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, je m'en fous de ce qui va arriver. Oui. J'ai pris donc l'engagement là d'aller encore rencontrer le pasteur Apollinaire là, oui, et Maïus là. Mm. C'est là où je lui ai expliqué ce qui s'était passé au village. Oui. Mm. Et il m'a donc écouté, il a dit que c'est bien, c'est la persécution et tout vrai enfant de Dieu doit subir cela. Mm. Il m'a encouragé, il a pris beaucoup de passages avec lui pour m'exhorter, pour m'encourager. Mm. Et je lui ai dit que je veux me baptiser. Mm. C'est là où maintenant, il m'a amené dans... Il y avait... Un coup d'eau dans un endroit, bon, dans un marécage là-bas à Tchang. Mm-hmm. Il m'a conduit vers là maintenant. Quand on arrive dans l'eau, mm-hmm, le baptême là était combattu, un genre que je ne comprenais pas. Parce que dès qu'on partait, ma cousine m'appelle le jour là. Elle me dit que viens ici là, je prends de ceci pour aller laisser à la maison, vous commencez à... J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Je vais qu'aller d'abord me baptiser. Mm-hmm. Dès que je suis arrivé, on arrive dans l'eau là. Mm-hmm. une scène s'est passée, c'est que quand il voulait me plonger, donc c'est comme s'il y avait, je ne sais pas, une certaine force qui résistait. Parce que quand il m'a plongé dans l'eau une fois là, j'ai été étouffé dans l'eau. Oui. Au point où, donc, quand il m'a retiré là, donc je... C'est comme j'ai suffoqué. Oui. C'est ainsi que, après maintenant, les choses se sont bien allées. Quand je suis ressorti, je sentais une joie, une paix à l'intérieur de moi. Maintenant, après cela, quand je suis rentré, il m'a donc encore donné un nouveau testament. C'est avec ça que j'ai marché. Ah, puisque c'est ta Bible, toi que tu avais dit que tu avais souligné, était confisqué et gardé au village. Maintenant, il m'a donc confié l'autre là. Je lisais. Et de temps en temps, j'allais là-bas les dimanches. Oui. Donc, on partageait la parole. Maintenant, après, bien après, ma cousine s'était encore rendue compte que je fréquentais encore. Un autre groupe. Elle m'a encore posé la question. Je n'ai pas nié, je lui ai dit la vérité. Elle a dit que, en tout cas, maintenant, c'est là. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je vais appeler. Parce que, et je vais leur dire que tu es encore retourné là-bas. Comme ça, on va venir te chercher. Oui. C'est ce qu'on m'avait. On m'a dit de veiller sur toi. Oui. Mais je vois que tu m'as dépassé. Tête, oui. Quand elle a donc dit ça. À cette période-là, je comprenais le probatoire. Dès que j'ai fini de comprendre le probatoire, bang, j'ai dit au passé à Brunel là que je ne vais plus retourner chez nous. Il dit que tu vas alors faire comment? Il faut retourner au village parce que c'est les vacances. Tu vas aller aider les parents. Il dit que cette fois-ci, ils ont dit qu'ils vont m'arrêter, aller m'enfermer à la brigade. Quand j'ai dit ça, il dit que non. Quel que soit ce qui va arriver, tiens ferme. Même si tu arrives là-bas, ils font cela. C'est que Dieu aurait permis. Quand il a dit ça, il a dit que j'ai compris. Il m'a servi la nuit, tu l'as, j'ai mangé. Dès que j'ai fini de manger, il a dit que vas-y. Je suis rentré, j'arrive au village. C'est là où tout le monde, dès que ma mère apprend que je suis arrivé et que j'ai compris le combat, je suis arrivé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. La femme a été au courant. Le lendemain, elle est venue à la maison. Elle a commencé à parler des choses, à s'enflammer. Il y a l'une de mes tantes chez elle. Elle avait fait six mois chez elle. Elle était venue. Son ventre était là. Elle disait aux gens qu'elle est enceinte. La femme l'a prouvé qu'elle est enceinte réellement. Oui. Mais en réalité, quand on partait faire l'échographie, on faisait l'étude à l'hôpital, elle n'était pas enceinte. Le ventre était gonflé. Et la femme là disait qu'elle est enceinte, qu'elle va enfanter un jour. Maintenant, j'avais dit à ma maman que regardez cette situation. Je vais vous donner un signe pour que vous sachiez que ce n'est pas l'enfant. Si un jour elle parvient à enfanter réellement là et que l'enfant là sorte, c'est que celui que je sais n'est pas Dieu. Quand j'ai dit ça, ma maman allait lui raconter ça. Elle a donc pris cela. Et là, la femme l'avait fait combien de temps chez elle? Elle avait déjà fait plus d'un an. Oui. Parce que quand j'étais même encore là-bas, oui, avec tout le ventre. Elle continuait à habiter là-bas avec ce même ventre. Elle continuait. À un moment donné, elle s'était rendue compte qu'elle était dans le faux, que tout ce qu'on disait là n'était pas vrai. Oui. Elle est donc rentrée. Ma cousine là l'a appelée. Elle a suivi les traitements jusqu'à son ventre là. Était partie. La cousine qui est à Tcham, qui est dans la médecine. Donc jusqu'à le ventre là était parti. Oui. C'est là où maintenant on lui fait comprendre que tu as même maintenant vu, non. C'est là où j'ai dit à ma maman que vous avez vu, non. Et bien dans ce cas, quelle est la réaction de ta cousine quand elle sait que cette femme-là était d'abord chez cette marabout-là? Ta cousine avec qui tu habites à Tcham, elle ne s'est pas rendue compte que c'est l'arnaque. Puisque c'est elle qui appelle chaque fois. Elle sait que quand on appelle au village, c'est cette femme-là qui est derrière. Après cela, ma cousine maintenant, elle, malgré qu'elle elle savait que ce n'était pas la vérité, elle condamnait ça. Oui. Mais quand elle condamnait, elle-même, parfois, à un moment donné de sa vie, elle s'était rendue compte que dans sa propre famille, dans son foyer, ça n'allait pas. Ça l'a aussi poussé à conseiller des marabouts. Donc cela a fait en sorte qu'elle ne puisse plus condamner. Donc elle est aussi restée. Puisqu'elle pratiquait les mêmes choses. Oui, malgré qu'elle savait que c'était faux là-bas. Oui, que c'était faux là-bas. Oui. Maintenant, quand tu as dit que regardez cette femme, elle n'a pas accouché là-bas, tu as dit ça, on allait dire à cette marabout là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle apparaît donc à la maison là le matin, elle dit qu'elle arrive, je ne viens pas la saluer. Elle se met à gonder, à bavarder. Oui. Quand elle fait ça, ma mère dit qu'elle se calme, qu'on a des dents discutées. Oui. Ma mère m'appelle aussi, j'arrive des dents. Elle se met à dire que je suis en train de passer partout pour dire aux gens, pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas Dieu qu'elle sait, que je dois lui dire qu'elle sait. Je lui ai donc dit que bon, maman, si c'était réellement Dieu que tu servais, pourquoi donc je viens avec la parole de Dieu te dire que voici ce que la parole de Dieu dit? Tu contredis cela. Oui. Quand j'ai donc dit ça, elle s'est levée, elle s'est acharnée sur moi. Donc elle voulait, je ne sais pas ce qu'elle voulait. Te déchirer. Oui, elle voulait me déchirer. Donc quand elle a fait ça, elle a passé sa main là, boum. Je me suis incliné, la sortie. Oui. Dès que j'arrive dehors, elle dit que elle va me montrer. Comme j'ai dit qu'elle n'est pas de Dieu, là, elle va me montrer comment elle n'est pas de Dieu. Oui. Elle s'est levée avec son mari. Qui l'avait accompagnée pour la séance. Oui, avec la moto. Il n'était pas sous à ce moment-là. Il n'était pas sous. Ils se sont levés, donc ils sont partis. Oui. Elle dit qu'elle part comme ça, se préparer, qu'elle revient. Oui. Donc qu'elle revient. Attends-le là-bas, il arrive. Oui. Moi, je savais qu'elle devait encore revenir, mais elle parlait. Donc, elle parlait spirituellement. Oui. Oui. Maintenant, quand elle a dit ça, elle est partie. J'ai attendu, elle n'est pas venue le jour-là. Et depuis ce jour-là, tous les combats que je voyais maintenant dans les rêves contre elle, c'était. Donc, tous les combats que je voyais, c'était dans les rêves. Et c'est qui se manifestait. Elle se manifestait. Quand elle venait dans les rêves, qu'est-ce qu'elle faisait par exemple? Quand elle venait dans les rêves, parfois, elle essayait de se déguiser. Oui. Donc, pour chercher à me ramener, donc. À me séduire, oui, à me flatter, à me ramener. Mais il y avait toujours un discernement qui me faisait comprendre que non, ça là n'est pas, ce n'est pas vrai. Donc, et quand je résistais à cela, elle devenait furieuse. Elle devenait furieuse. Oui. Donc c'est comme ça que, et parfois elle me flattait, elle essayait. Donc parfois je venais dans le songe, il y avait une mamie au feu là, elle était là avec mon grand frère. Elle essayait de me convaincre de venir m'asseoir où elle était. Mmh. J'étais là, j'observais. Je ne venais pas. Mmh. Donc c'est comme ça, tous mes rêves, tous les rêves dans lesquels je la voyais, je résistais toujours. Mmh. Je résistais. Et parfois, je faisais certains rêves maintenant que je voyais certains esprits. Oui. Donc je suis dans une maison enfermée. Je vois certains esprits qui sont dans la maison avec lesquels je combats. Oui. Et quand je finis par prononcer le nom de Jésus, et ces esprits ont quelle forme, par exemple? Bon, en fait, tu ressens juste une présence. Tu sais qu'il y a les esprits là. Tu sais qu'il y a les esprits. Mmh. Tu ressens une présence. Mmh. C'est comme ça que ça se manifestait. Par et là, maintenant, tu es au village. Mmh, je suis au village. Tu t'as déporté maintenant pour le village parce que mmh. tu ne t'en perds pas. Oui. Et là, tu as composé le pourvoi-toi avant d'aller au village. Mmh. Tu restes au village en attendant le reçoit du pourvoi-toi. Et oui. Le résultat était sorti. Oui. Et par la grâce du Seigneur, j'étais... Oui. Maintenant, quand je leur ai fait comprendre ça, personne n'était content. Parce qu'ils avaient d'abord dit que je devais devenir fou. Oui. Comme je lisais la Bible, oui. Je devais devenir fou. Oui. Et là, et maintenant, que, tu composes ton pour toi, tu passes. Et que je ne peux pas passer, que je ne peux même pas passer, qu'ils ne comptent même pas. Oui. Quand donc j'ai passé, personne n'était content. Même pas ton père. Même pas mon père, il n'était pas content. Oui. Il a dit que même si j'ai tous les grands diplômes du monde et que je suis entré dans ces choses-là, ça va me servir à quoi? Donc, c'est ce qu'il avait dit. Mmh. Maintenant, il m'a dit qu'en tout cas, qui passe ou qui échoue, il ne doit plus fréquenter. J'ai déjà dit ça. Oui. C'était bon pour lui. Il va rester, on va aller au champ. Oui. Quand il a pris cette décision-là, moi, j'ai dit que si c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Quand il dit qu'il n'y a pas de problème, ils ont donc dit que bon, tout ce qu'on a dépensé là, oui. Tu dis qu'il n'y a pas de problème. Donc, que tu ne peux pas abandonner ce dans quoi tu es entré là pour... continuer à fréquenter. Donc tu dis qu'il n'y a pas de problème, tu t'en fous de ce qu'on a dépensé. Il a fait comprendre que si Dieu veut que cette école-là s'arrête, ça va que s'arrêter. Mais je ne peux pas abandonner les voies du Seigneur. Et tu dis comme ça, tu dors avec eux chaque jour, chaque soir. Je dis comme ça, je dors avec eux. Tout ce qu'on me demande de faire, je fais avec joie. Et ma façon même d'être encore plus sérieux à la maison les étonnait. Oui. Et ça faisait qu'ils se posaient les questions que mais celui-ci-là, tous les jours, même dans ce qu'il est entré là, on dit qu'il est fou, mec. Est-ce qu'un fou peut agir de la sorte? Donc, et il rentrait parfois. Parfois même, je préparais même à la maison. Oui. Donc, la maman mangeait, tout le monde mangeait. Mm. Mais la maman me voyait par derrière. Elle me flattait que vraiment, ouais, tu ne peux pas quand même abandonner ça. Je lui disais que voilà la Bible, je ne peux pas abandonner Dieu. Mm-hmm. Comment quelqu'un m'a créé, tu dis que je l'abandonne pour faire quoi maintenant? Mm-hmm. Quand je disais ça, elle me... Donc, quand elle voyait que je les servais bien, bien là, elle se disait que non, il a certainement changé. Et que je ne parlais plus, mm. elle disait que non, il a changé. Mm. Maintenant, quand elle revenait, ça me poussait encore. Je savais que voilà encore l'occasion pour que je parle. Un jour, j'étais assis à la cuisine, le père parlait. J'ai soulevé ce problème de l'idolâtrie là, les faux dieux qu'on servait. Mmh. Je lui ai relaté ça selon la Bible. Il a pris le morceau du bois qui va me viser. Dès qu'il a dit ça, je suis sorti. Donc, tout ça, jusqu'à ce que cette femme-là, entre temps maintenant, à cette période-là, elle a sa deuxième fille-là. Oui. Elle était mariée. Elle avait aussi connu le Seigneur. Donc. Oui. Bon, à la CMCI, c'est par ce côté-là maintenant que, étant à Sanctu, comme il n'y a pas dit par là, oui. comme il n'y a pas quelqu'un avec qui je pouvais être, je suis donc à la CMCI. La deuxième fille de cette femme qui est marabout là. Mm-hmm. Mais dans ce cas, quelle était sa réaction vis-à-vis de cette fille? Voilà. Quand elle a donc. Quand le Seigneur l'a rendu visite comme ça, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a dit. Donc c'est elle qui m'avait appelé pour me faire même savoir qu'elle était dedans. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais approuvé ce que sa mère faisait. Oui. Donc c'est pour ça qu'elle avait toujours les problèmes chez eux-mêmes avec sa mère. Oui. Parce qu'il y avait certaines choses qu'elle voulait faire. Elle disait que non, ça là n'est pas. C'est pas bien. Dieu ne peut pas faire comme ça. Oui. Quand elle a donc tout comme ça. Là, tu n'étais plus seul maintenant. Je n'étais plus seul. Je savais maintenant qu'on peut se tenir dans la prière. Oui. Maintenant, quand je la rencontrais, oui. elle m'a raconté quelque chose. Elle m'a dit que le jour qu'elle a cru comment, c'est qu'elle envoie le plus petit là. Oui. Elle envoie le petit là puiser de l'eau au puits. Oui. Il arrive, il jette le seau, il fuit. Il dit qu'il voit deux personnes habillées en noir oui. qui veulent le poignarder. Oui. Quand il disait donc comme ça, elle est venue, elle lui demande que mais où sont ces deux personnes. Oui. C'est ainsi que l'enfant devenait seulement de plus en plus pire. Donc oui. sa situation ne fait qu'aggraver jusqu'à ce qu'il qui est toujours l'enfant de cette femme-là, qui est marabout là. Oui. Oui. Donc maintenant, quand elle a dit comme ça, elle dit qu'elle a appelé le pasteur de la CMCI là. Oui. Quand on priait donc, oui. elle me dit que quand on priait donc pour l'enfant. Quand on priait comme ça, l'enfant était la femme était où? La femme qui n'aime pas la Bible, qui n'aime pas ça, elle était où? Elle était chez elle. Attends. Je veux qu'ils comprennent bien. On priait. Attends. L'enfant dont il est question qui allait puiser l'eau, puis c'est l'enfant de cette fille ou bien l'enfant de cette maman. C'est l'enfant de cette maman. Oui. Le dernier là. Le dernier qui que est la grande sœur, comme elle est mariée, oui. elle a pris chez elle. Oui. Donc, okay. donc cette grande sœur n'habite plus avec sa maman. Mm-hmm. Elle n'habite plus avec sa maman. Elle est mariée, elle est quelque part d'autre. Oui. Ok, donc c'est chez elle, donc elle envoie l'enfant, que l'enfant va puiser l'eau et l'enfant voit cela. Oui. Ok, c'est bon. Et maintenant, elle appelle donc le pasteur de la CMCI. Elle me dit que. Quand le pasteur priait pour l'enfant, oui. le Seigneur a ouvert ses yeux, elle a vu comment ces esprits-là sont sortis de l'enfant, oui. se positionner là. Oui. Elle a vu les esprits-là placés là, jusqu'à elle a crié. Attends, c'est cette femme-là, sa grande-sœur qui a elle-même oui, vu. C'est elle qui me donnait le document, qu'elle-même elle a vu. Oui. Quand elle a donc vu ça, elle a dit que j'avais toujours dit que ma mère n'est pas ce que ma mère sait. Oui. Quand elle a décrit ces esprits-là comme étant quoi? Bon, elle m'a dit qu'elle voyait ces mêmes habillements-là que l'enfant voyait. Oui. Donc, elle voyait ces personnes-là. Oui. Donc, et quand elle a donc dit ça, qu'après cette soirée-là, l'enfant a dormi. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la maman est venue la nuit toquer chez elle, oui. chez sa fille. Donc, la maman a bavardé, passé toute la nuit à bavarder. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Alors qu'elle n'était pas au courant qu'on allait Alors qu'elle n'était pas au courant. Mmh. Donc elle a donc bavardé ainsi jusqu'à ce que elle ait pu sortir. Elle dit que là où tu es entré là, tu vas sortir. Donc la guerre qu'elle menait contre ton incident dans sa famille. Était maintenant contre sa fille. Oui. Elle a persécuté sa fille jusqu'à son foyer. Donc c'était au point où son mari voulait même que. Donc, elle a d'abord quitté son mari pour un temps. Oui. Il y avait cette division-là. Mm. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, elle puisse revenir encore. Oui. Donc c'est cet événement-là qui l'a conduit à Christ. Donc. Mm-hmm. Et donc, elle te dit donc aussi maintenant que ce n'est pas celle dans ce combat, elle a essayé oui. de et là, maintenant, on t'avait enlevé des champs parce qu'il fallait que tu sois proche pour qu'on te surveille. Parce qu'à Champs, tu ne fais qu'entrer dans le cercle. Ne sachant pas qu'en allant là-bas aussi, c'est là-bas. Oui. Justement. Après cela, la maman. Bagarrait de son côté pour que je retourne à l'école. Le père de son côté ne voulait pas parce qu'il fallait que j'abandonne. Il a donné la condition à la maman que si j'abandonne la voie là, il va me laisser retourner à l'école. Il a dit que je ne pouvais pas abandonner. Jusqu'à ce que septembre arrive, septembre 2012. Donc septembre 2011 oui. arrive. Maintenant, il est question que j'aille fréquenter, faire terminale. Il, n'ont encore rien donné comme feu vert pour que j'aille fréquenter. Oui, donc tu es toujours au village, tu ne sais pas si tu vas là, tu vas continuer ou tu vas continuer au village. Oui. Et entre temps, je suis à CMCI, c'est là-bas que. Est-ce qu'ils savent que tu es là entre temps? Ils savent parce que le père a eu un jour, a dit qu'il ne peut plus retourner là-bas parce que c'est là-bas qu'il allait dans cette secte-là. Oui. Il a dit que même ici, là, nous on se réunit pour prier. Pour prier. Il a dit que donc même ici, vous êtes là. Il a dit que nous sommes partis. C'est là où il a compris que l'affaire était sérieuse. Que donc, c'est l'église universelle. Vraiment. Donc, il a dit que. Et mon grand frère passait tout son temps à chercher là où je partais. Oui. Un jour, il a parlé jusqu'à me dire que vraiment, petit frère, je ne te parle plus. Moi, je t'ai déjà donné tous les conseils du monde. Mmh, si tu veux, tu pars. Péris, ton problème. Tu ne peux pas créer, même tu n'as pas d'église dehors. Ce n'est pas là mon problème. Quand il a donc dit ça, oui. Dans mon cœur, j'étais content parce qu'il avait dit qu'il n'a pas pu me convaincre. Oui. Il savait déjà donc que. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Oui. Quand il a donc dit ça, oui. J'étais là. J'observais. Maintenant, voilà, nous sommes déjà. La rentrée a déjà commencé. Mmh. Et les choses ne sont que là. Jusqu'à ce qu'un jour, ma mère, je ne sais pas ce qu'elle avait dit à mon père. Que si quelque chose m'arrive, que mon père lui demande. Donc, prenant donc ce côté-là pour que j'aille fréquenter. Quand elle a donc dit ça, mon père un jour m'a appelé. Il m'a dit d'écrire sur un papier, signé que... Il a même technique comme ça, dame... Comme madame. Elle, lui. Ouais. Signé que, comme je retourne à Chang là, je ne dois plus aller dans... Je ne suivrai que l'école. Oui. Je lui ai dit que papa, je ne peux pas écrire ce que je ne dois pas faire. Mm-hmm. Quand j'ai dit ça, il a dit que donc, tu anticipes toujours. Il a dit que non, je ne peux pas écrire ce que... Si j'écris maintenant, je ne pas, je ne fais pas. C'est que je t'aurais menti. Mm-hmm. Quand j'ai dit ça, il a dit qu'en tout cas, pas. Même si je meurs, mm-hmm. que tu ne passes pas à mon deuil parce qu'on n'a jamais été d'accord. Mm-hmm. Il dit ça, il dit maintenant à la maman que, en tout cas, si... Quelque chose t'arrive, c'est ta mère. Ta mère. Donc c'est elle qui m'a convaincu que je ne suis pas d'accord là-bas. C'est elle, je sais que c'est elle qui te pousse à aller te perdre comme ça. Oui. Quand ils ont dit d'aller fréquenter, je suis donc retourné. Ma cousine ne pouvait plus, elle n'acceptait plus que je vive avec elle. Oui. J'ai donc vécu avec un étudiant. Oui. Je vivais avec un étudiant qui s'appelle Jamel entre temps. Donc un frère de la CMCI. Oui. Oui. Donc ça avait lui. Là, maintenant, tu t'as mis dans la communion, dans le groupe de communion. Dans le groupe de communion. Arrivé à CMCI, là-bas, à Chang, ces esprits-là se manifestaient encore. Oui. Qui m'empêchaient même de lire la parole. Oui. Donc, de me consacrer parfaitement. Même les leçons, je ne parvenais pas. Ça se manifestait comment? Et c'est comme si j'avais une perte de mémoire. Oui. Donc, je pouvais lire les coups comme ça. Après, c'est comme si je n'avais rien lu. Donc, ces choses-là, parfois, je les ressentais encore en moi. Oui. Et j'ai fait... état de ça, mon frère avec qui j'étais, oui. Il m'a donc conduit voir le pasteur de la CMCI de Chang, oui. Le pasteur Emmanuel. Maintenant, lui, il a organisé une séance de délivrance pour moi. Il a pris l'onction, il a commencé à parler dessus, il m'a donné, j'ai bu. Il a passé tout le temps, on avait fait, je ne sais pas, c'était près de 2 heures de temps, il commandait, l'esprit était que là. Donc, ça, rien ne se passait. Oui. Donc, il y avait des agitations, mais rien, je sentais que ça n'allait pas. Mm. Jusqu'à ce qu'il a dit que, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il rentre avec moi. Comme ça, il me recommande, on me dit tous les jours. Un jour, ça va partir. Mm. Et là, donc tu marches comme ça, sachant que tu es possédé. Je marche comme ça, sachant que je suis possédé. Quand tu loues avec la possession. Mm-hmm. Tu pries avec la possession. Continue. Donc, après le bac maintenant, et voilà ce qui va se passer. Après ton baccalauréat. Après le bac maintenant, mon grand frère qui payait, parce que le père était déjà vieux, oui. Il ne s'occupait plus des études. Oui. Mon grand frère qui, celui, c'est pas celui qui est trop. Oui, celui qui t'a venu sur la moto pour le rencontrer papa au village. C'est lui qui s'occupait de mes études. Après le bac, il s'est donc marié, il a dit qu'il ne pouvait plus. Qu'il a d'autres charges. Oui, que je me débrouille comme je peux. Oui. Maintenant, après le bac, j'ai fait 6 mois au village. Oui. Elle dit que, mais, je fais quoi avec le bac que le Seigneur m'a accordé? Oui. Elle dit que, en tout cas, Seigneur, vraiment, oriente-moi. Maintenant, étant au village, je ne savais pas ce que ma vie devenait. Oui. Même dans la communion, je sentais que la CMC avait cet esprit-là. Parce qu'à un moment donné, quand je dormais même là-bas à la maison, à un moment donné, c'est comme s'il y avait certaines manifestations, comme les prophéties, oui. Donc qui venaient parfois, Donc cette langue-là, oui, que je parlais, que j'avais reçu à CMCI. Donc, que tu ne nous as pas parlé, que tu as reçu une langue à CMCI, tu nous as parlé du fait qu'on priait pour toi, on mettait de l'huile. Mm-hmm. Comment la langue a fait pour venir, pour entrer à CMCI? La langue est venue quand j'étais à CMCI, à Sangchu. Oui. Donc, dans la période où on a dans l'attente du moment où pour voir si tu vas fréquenter pour le bac. Fréquenter, oui. Et donc là, ça devient intéressant, ça devient vraiment intéressant. Pas vrai, Frachine?